à chacun. Voilà, à suivre, oh là là, de très très près. Et si jamais vous avez encore soif de nouveautés, eh bien, le Grand Journal, avec Je Décode, première partie cryptée de 19h05 à 19h35, une seconde en clair de 19h50 à 20h20, et retour des Guignols dans ce Grand Journal de 19h35 à 19h50, mais en crypté. Vous pouvez répéter ? On y sera, nous, ce soir. Je vois vos yeux qui s'affolent. On y sera, donc on va tester. On va tester pour vous, et on reviendra faire une chronique demain matin, et on vous retrouve. Bah, je pense qu'on est dans la seconde partie, enfin, je sais pas. Donc, en clair. J'espère qu'on est en clair. Bienvenue pour vos commentaires et vos réactions. Dans un instant, on dit au revoir à Pierre Ninet et François Ozon à l'occasion de la sortie du film France mercredi sur tous les écrans. RTL, première radio de France. On en parle. GRDF distribue le gaz naturel en France. On en parle aujourd'hui avec Alice, notre spécialiste énergie. Bonjour Alice. Bonjour. Alors, distributeur de gaz naturel, ça veut dire quoi au juste ? Eh bien concrètement, ça veut dire que GRDF apporte le gaz naturel jusqu'au compteur des clients. Mais alors, quel que soit leur fournisseur, c'est absolument pareil. GRDF est au service de tous les fournisseurs et il distribue le gaz dans 11 millions de foyers d'entreprises. Et le gaz naturel, il est acheminé comment exactement ? Alors, par un réseau qui est géré et sécurisé par les équipes de GRDF. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que c'est le plus long réseau d'Europe ? Ah non. Ça représente 5 fois le tour de la Terre. Ouais, quand même. Hein. Et donc, pourquoi devrait-on choisir le gaz naturel finalement ? Mais parce que le gaz, c'est économique, c'est pratique et qu'il améliore le confort de la maison. Mmh. Ça répond aux besoins du logement, comme la cuisson, le chauffage, l'eau chaude. Et maintenant, vous savez qu'il existe même des cheminées au gaz ? Ben, je l'apprends. Donc, le gaz naturel, c'est moderne alors ? Absolument. Et aujourd'hui, pour des solutions gaz naturel toujours plus innovantes, GRDF travaille à la fois avec des fabricants de matériel, mais également des start-up. C'est intéressant tout ça. Merci Alice pour toutes ces précisions. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Fini les pots. Pure Essentiel invente le premier traitement 100% naturel, efficace en 10 minutes. Son efficacité 100% naturelle est prouvée. En 10 minutes seulement, il élimine poux, larves et lentes. Pure Essentiel anti-poux, dur pour les poux, doux pour les cheveux et l'environnement. En pharmacie. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 septembre selon autorisation. Chérie, mais t'as une de ses têtes. C'est ton fils qui fait passer nuit ? M'en parle pas. 2 jours qu'il est pas bien, j'ai dû faire venir le médecin. Maintenant, il prend du Mylan comme médicament. Tu veux dire Mylan ? Mais ça, c'est le nom du labo. Ah oui, ça te dit quelque chose ? Ben oui, Mylan, c'est quand même connu comme laboratoire. Tu sais qu'il traite jusqu'à 88% des maladies comme le cancer, le diabète ou l'hypertension. Ça, c'est rassurant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Classification FMRA 2016. Affligem, cuvée Florem. D'abord, contemplez sa robe lumineuse aux reflets cuivrés. Puis, appréciez le délicat parfum du bouquet floral d'Affligem. Enfin, savourez la finesse de ses arômes de fleurs de sureau subtilement épicés. C'est l'instant où se révèle la délicate harmonie d'Affligem, cuvée Florem. Affligem, et si la bière se dégustait ? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le mois Carrefour ! Vous êtes au courant ? Le mois Carrefour ouvre ses portes dès demain, avec des promos renversantes. Jusqu'à 70% de remise fidélité sur la carte Carrefour jusqu'au 12 septembre. Sur les gourdes Andros et encore plein d'autres produits de marque. Waouh, jusqu'à 70%. On va s'en prendre plein les yeux. Alors attention au départ, parce que le mois Carrefour, ça va démarrer très fort. Valable sur les gourdes pommes nature Andros par 18. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Je cherchais ma question, comme d'habitude, j'ai perdu. France, alors je reprends la question. France se déroule après une guerre mondiale. Est-ce que la première ou la deuxième ? Bah, le réalisateur va donner la réponse. La première guerre mondiale. Voilà, le film sort, je le rappelle, mercredi. Pierre Ninet, François Ozon, merci beaucoup d'être venu nous présenter votre film. Merci. On a passé un excellent moment avec vous et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. On va retrouver tout de suite Julien Courbet. Comment allez-vous ? Bah, fort bien. Moi, je me suis régalé ce matin en vous écoutant. Ouais. J'ai tout écouté, François Fillon, etc. Oui. Et vous qui décryptez tout et qui expliquez merveilleusement bien les choses. Pouvez-vous m'expliquer cette phrase que je n'ai... Effectivement, je n'ai pas bien compris. Vous êtes sûr de ça ? On n'est jamais sûr de rien. Mais deux, il y a une chose dont je suis sûr. On n'est jamais sûr de rien, mais il y a une chose dont je suis sûr. Alors je me suis dit, je vais appeler Yves Calvi parce que moi, ça m'a pris toute la matinée. J'ai même failli ne pas venir travailler. Vous voulez que je vous décrypte le fillon, c'est ça ? Non, mais comment on peut être sûr de rien et être sûr de quelque chose ? C'est un paradoxe que manie le responsable politique. Je ne saurais pas vous dire autre chose. À demain pour en savoir plus. Vous avez la journée. Merci Moïse. Bonne journée. Bonne émission. C'est parti en direct, mesdames et messieurs. Comme chaque matin, nous allons régler vos problèmes. Ici, il n'y aura pas de primaire, il n'y aura pas de blabla inutile. Il y a un problème, il y a une solution, il y a un conseil. Et puis, c'est tout. Alors, ce matin, nous allons avoir la Divina qui est là. Maître Felono est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Et puis alors, vous la verriez, on dirait Emma Pell dans chapeau melon et bottes de cuir. Sylvie Novakovic va nous rejoindre dans quelques instants. Elle est dans les embouteillages. Elle a dû passer par Calais pour venir, à mon avis. Oh. Du coup, elle est bouchée. Enfin, elle n'est pas bouchée, elle est dans un bouchon. Attention. Et puis, il y a le négociateur, le meilleur. Hervé Pouchol est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le 9h30, 11h, l'émission qui règle vos problèmes en direct. Toutes les négociations auront lieu en direct. On ne va rien vous cacher. Il y aura tout à l'heure à 10h20, une petite enquête comme nous les aimons, avec peut-être une petite fausse signature sur un contrat de téléphone. On n'en est pas encore sûr, mais on essaiera d'avancer avec vous. Là, tout de suite, c'est Nathalie à qui je dis bonjour sur l'antenne RTL. Bonjour Nathalie. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Nathalie, vous faites de la politique ou bien ? Non, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Ça va, Nathalie ? Je suis un petit peu émue. Mais il ne faut pas, Nathalie, parce que les problèmes de déménagement, vous savez, nous on les a dans les veines. Et quand vous m'avez laissé ce message sur le répondeur, ça m'a rendu fou. J'ai loué un camion pour mon déménagement et j'ai vécu l'enfer. Il est tombé en panne, on m'a fait attendre sur le bord de la route, proposé de faire 45 km pour récupérer un camion bien trop petit et pas adapté. Depuis, le loueur de ce camion continue de se moquer de moi. 26 août, vous louez un camion de 15 mètres cubes chez un professionnel en région parisienne. Vous déménagez justement dans le Pas-de-Calais où vous comptez passer vos week-ends dans une fermette. Vous arrêtez dormir à Amiens chez des amis. Samedi matin, 8h30, vous reprenez la route avec le camion loué. Et au bout de quelques mètres, un voyant clignote. Et qu'est-ce qui s'indique sur le tableau de bord ? Qu'il y a plus d'huile dans le moteur et qu'il faut absolument que j'éteigne le moteur. Voilà. Arrêt moteur obligatoire. C'est toujours rassurant, ça. Hein, oui. En général, on se dit, on va faire quelques kilomètres de plus, mais il vaut mieux pas. Et vous êtes prudente, vous ne le faites pas, vous coupez le moteur, vous appelez l'assistance. Qu'est-ce qu'ils vous disent, l'assistance ? On arrive dans combien ? Pas de panique, je vous envoie un dépanneur dans 30 minutes. Bien, au bout de 30 minutes, qu'est-ce qui se passe ? Je rappelle, personne à l'horizon. Et là, 1h30 après, le dépanneur arrive. 1h30 après. Comment il explique la petite heure de retard ? Ah, pas d'explication, j'avoue que j'ai pas demandé, un petit peu énervé déjà, donc je me suis un petit peu abstenue. Vous avez dû lui parler mal ? Non, j'ai essayé d'être encore courtoise. C'est gentil. 1h30, donc bien. La journée va être longue. Comment se règle le problème ? Alors, le dépanneur constate effectivement que l'huile est le réservoir est complètement à sec. Complètement à sec. Et donc, nous dit, écoutez. Le réservoir d'huile. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Là, a priori, il peut éventuellement remettre de l'huile. Et puis, je vois si je repars ou pas, sachant que c'est pas très prudent. Le moteur peut quand même, vu l'état du réservoir, c'est quand même étrange. Il y a peut-être un problème technique. Donc, à moi de voir si je reprends le camion. Donc, je lui demande de me donner, parce que j'étais quand même un peu surprise de sa réponse, me disant que c'était un peu dangereux, mais que c'était à moi de voir si je repartais. Donc, je lui dis, écoutez, si je repars, est-ce que vous me faites vous prenez la responsabilité s'il m'arrive quoi que ce soit, surtout que j'étais avec une amie dans le camion. Oui. Donc, voilà. Et là, il me dit, non, je ne prends pas cette responsabilité. Donc, je vous conseille de ne pas repartir. Il vous dit, je ne prends pas la responsabilité. Maintenant, si vous voulez qu'on passe une heure de plus avec votre ami dans le camion, il était intéressé. Mais vous dites, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est déménager. Donc, il va dire, rappelez le loueur qui va vous dire, écoutez, on va vous en trouver un autre plus petit qui est à combien de kilomètres ? Quelques temps après, l'assistante me dit, on a trouvé un autre camion à 45 kilomètres. Parce qu'en fait, le dépanneur me dit, moi, je ne reste pas là. Il avait autre chose à faire, ce que je peux comprendre. Donc, il me dit, vous me rappelez quand le camion est déchargé, quand vous avez trouvé un autre camion, que le camion est déchargé, je reviens chercher ce camion. Alors, Nathalie, expliquons maintenant. Il y a un camion à 45 kilomètres. Comment avez-vous fait pour aller à 45 kilomètres et comment avez-vous fait pour y aller avec les meubles ? Alors précisément, je n'ai pas pu y aller, surtout que le camion était trop petit. On me proposait un camion de 12 mètres cubes. Donc j'aurais vous la question, savoir les 45 km, comment je les faisais, c'était à pied, à la nage, Vous prenez un coup le piano, vous faites 45 km, vous venez chercher le livre, vous faites 45 km. Enfin, c'est quand même pas compliqué, Nathalie, on n'entend pas vrai, les gens à la radio abusé. Pour ça. J'ai peut-être un petit peu abusé. Ah, Maître Felono, le bilan de tout ça, comment ça s'est terminé, combien a-t-elle payé ? Alors, elle a payé la location d'un deuxième camion, puisque son loueur initial n'arrivait pas à lui en fournir un adéquat. Elle est allée toute seule grâce à des amis, parce qu'elle a failli y aller en stop, mais grâce à des amis chez qui elle avait passé la nuit, qui ont accepté de venir se déplacer, de l'amener à 45 km. Elle a trouvé un autre camion. Elle est revenue sur place avec sa copine. Elle a tout déchargé dans le deuxième camion. Elle est repartie. Voilà. Donc ça, c'est pas mal quand même. L'objectif, c'est que le loueur lui rembourse la location du camion tombé en panne, ce qui me paraît quand même un peu normal pour un camion qui n'a pas été utilisé. Qu'il rembourse le camion qu'elle a dû louer, est-ce que ça, vous trouvez ça normal ? Alors, l'équivalent, on va dire, en dommages et intérêts pour le déménagement incongru qu'elle a fait au bord de la route, ce sont une indemnité pour la fatigue passée, tous les muscles qu'elle a dû développer avec son ami, les 5 heures passées au téléphone avec son loueur, elle le chiffre à 160 €. Franchement, c'est pas cher. Il y a un peu de train. Il y a un aller simple Amiens-Paris, puisqu'elle a dû après Obligée de rendre le deuxième camion, elle l'a pas loué à proche de son domicile, elle l'a loué bien en sûr. Pleine rase campagne, elle a été obligée de se payer un billet de train pour revenir à Paris. Voilà, non, comment, franchement, c'est trop. Comment commence la semaine, Nathalie ? Eh bien, nous allons lancer tous les numéros. Hervé, vous êtes prêts ? Nous lançons tout de suite, si vous le voulez bien, l'amorce, parce que j'ai peur qu'il y ait du répondeur, enfin, pas du répondeur, qu'on ait des différents stades à passer, vous savez, sur les services d'attente. Bienvenue au service clientèle de Six. Nous avons un interlocuteur. Pour des renseignements en français, tapez 1. Ah, oui. Thank you for calling our Six. Nous informons que dans le cadre de notre démarche, votre appel est susceptible d'être enregistré. Ah, alors récupérez l'appel, je dis bonjour à ma copine Sylvie Novakovic qui vient d'arriver. Alors, comment ça va ? Pardon, on fait ça. Hein, désolé, comme... Qu'est-ce qui s'est passé ? Un embouteillage terrible, mais il pleut. Mais il faut quand même savoir, pleut, elle habite pas très loin et pourtant elle se lève super tôt pour venir. À quelle heure vous êtes levée ce matin ? Voilà, 5h30. Vous vous rendez compte ? Enfin, elle est arrivée chez elle à 5h30, elle a pris une douche, elle est sortie. Oui, alors du nouveau. Oui, un conseiller, Julien. Ah bah, très bien, bonjour monsieur le conseiller, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL, est-ce que je vous dérange ? Non, pas du tout. Ah bah, c'est tant mieux. Allez, je vais vous passer Hervé Pouchol, qui est un de mes collaborateurs. Vous allez voir, il a une belle voix, il parle bien. Il va vous expliquer le but de notre appel. Et si vous pouviez me trouver un interlocuteur, on essaie de régler ce matin à la radio le problème d'une dame qui a loué un camion qui est tombé en panne. Hervé, vous réexpliquez à ce monsieur pour pas que les auditeurs entendent une troisième fois l'histoire. Nathalie ? Ce qu'on n'a pas dit aux auditeurs, Julien, c'est la position du loueur. Alors écoutez, position du loueur, pub, et on reprend la négo en direct. Oui, alors ils ont envoyé un message laconique en disant voilà, on est désolé de tout votre tracasserie. Nous informons quand même que nous avons fait intervenir un dépanneur qui a fait la pointe d'huile en votre présence. Ce véhicule était à nouveau opérationnel et aurait pu reprendre la route. C'est vous qui avez préféré laisser le véhicule au dépanneur, ce qui a engendré des frais complémentaires pour vous, mais également pour nous. Ce qui est faux du début jusqu'à la fin. Elles sont énervées. Elles oui, sont on là. Énervées. On est là pour régler vos problèmes tous les matins. N'oubliez pas cette émission, c'est le 9h30 11h RTL. Seule émission en France et émission la plus écoutée entre 9h30 et 11h qui règle tous vos problèmes. Des conseils dans quelques instants. Comment réagir ? L'appel est lancé, la négociation arrive. A tout de suite. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda à Kéna. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda à Kéna. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Votre saison pro recommence ? C'est le moment de recruter un nouveau coéquipier. Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Vous rêvez de faire construire votre maison ? Alors, ne ratez pas le salon Faire construire sa maison, les 9, 10 et 11 septembre à Paris, porte de Versailles. Euro, frontières, fiscalité, chômage. Pour lutter contre la crise, nos responsables politiques sont loin d'avoir tout tenté. Pour François Langlais, les solutions existent. Il faut juste avoir le courage de les appliquer. 2017 est notre dernière chance, sinon tant pis, nos enfants paieront. Tant pis, nos enfants paieront de François Langlais, un livre Albin Michel avec RTL. le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Ah, salut Antoine. Alors cette reprise, ça va? Pas trop fatigué? Tu rigoles, je suis au taquet. Ah bon? Pourtant, entre l'Espagne et l'Euro, t'as pas trop eu le temps de souffler cet été? Oui, mais tu sais ce que c'est. Une rentrée des clubs, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah, c'est beau la jeunesse. La rentrée des clubs chez Sport 2000, ça match. Par exemple, jusqu'au 25 septembre, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Un bon vieux cas de déménagement en direct. Dans le 9h30-11h, Nathalie qui loue un camion, alors ça peut arriver, il tombe en panne. On lui dit on arrive dans 30 minutes, une heure et demie après, il n'y a toujours personne. Finalement, quelqu'un vient et dit écoutez, je prends pas de risque. Donc elle appelle, on lui dit on vous a trouvé un autre camion, sauf que l'autre camion, il va falloir y aller. C'est à 45 km. Ok, j'y vais comment avec mon camion en panne et comment mes meubles rentrent dans un camion plus petit? Et aujourd'hui, elle a dû prendre un autre camion, elle n'allait pas rester sur le bord de la route toute la sainte journée. Donc elle veut du remboursement. Nous avons un interlocuteur, Hervé. Oui, et pas n'importe lequel. C'est Anthony Dupuis, oh, qui est le conseiller clientèle de Nathalie, est parfaitement au courant du dossier, je vous le passe. Monsieur Dupuis, soyez le bienvenu en direct sur la radio RTL, merci beaucoup de nous parler. Alors, on essaie d'avancer juste sur les indemnisations qui me semblent, mais peut-être que vous avez un avis contradictoire, contraire, qui me semble logique. Oui, alors tout à fait, on n'a pas encore donné d'avis contradictoire, étant donné qu'on indiquait que le dossier était encore en cours de traitement. Le seul élément qui nous manquait jusqu'à présent, c'était la facture de location à la concurrence, que nous demandions à Madame Pédron de nous transmettre pour pouvoir étudier son dossier de manière efficace. Alors aujourd'hui, vous ne contestez pas le fait qu'elle a dû prendre un autre camion, monsieur ? Oui, tout à fait. En fait, qu'est-ce qu'il vous faut exactement pour que ce dossier avance ? Alors il nous faudrait la facture de location à la concurrence. Alors, est-ce que vous l'avez envoyé, Nathalie ? Il me semblait vous l'avoir déjà envoyé. Vous l'avez envoyé, madame, c'est exact. Cependant, cette facture est un peu floue. Vous pouvez regarder dans les pièces jointes du mail que vous nous avez envoyé et vous verrez que le montant n'est pas visible. Voilà, écoutez, très bien, je vais le faire de suite. Alors, juste une petite question, parce qu'en fait, là, en rentrant de week-end, je découvre un nouveau mail de Sixte. Oui. Qui me demande, avant le 12 septembre, de remplir une déclaration de sinistre, un rapport d'accident, que je ne peux pas remplir, puisque ça correspond pas du tout à la situation, donc je m'étonne un peu. Oui, alors ça, c'est un autre service, hein, c'est notre service gestion des dommages, qui vous demande plus d'informations suite à la panne, donc c'est une procédure normale. Par contre, c'est vrai que nous, au service clientèle, là, on pourra pas vous répondre directement, mais je peux vous donner leurs coordonnées. Ah bah oui, ouais, mais... alors donnez-nous... C'est... leurs coordonnées, on va les appeler parce que vous vous rendez compte ou quand alors même. Je peux même vous mettre en relation avec oui, eux. Oui, hein, si c'est super. Faites. Donc là, elle vous envoie, vous allez nous donner. Vous avez l'adresse de ce monsieur, Nathalie ? Oui, je l'ai alors, déjà. Plus d'accord. Donc vous envoyez à monsieur Dupuis la facture qui apparemment n'est pas très lisible, vous la rendez lisible. Et là, il va nous passer maintenant à un deuxième service puisque ça ne suffit pas. Il faut bien expliquer la panne. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Simplement, je voulais vous préciser deux choses. Premièrement, je vous rappelle que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. De bonne foi, ça veut dire qu'effectivement, quand vous voyez qu'il y a un problème dans l'exécution du contrat, il faut réparer, si vous voulez, le défaut. Donc là, c'est la première chose. Deuxième chose, je fais appel à votre sens commercial. Parce que, bien évidemment, vous comprenez bien le préjudice qui a été causé à Nathalie. Donc, on vous demande simplement de très vite réparer ce préjudice. Bon, il ne faut pas que ça soit trop long administrativement. Déjà qu'elle est tombée en rade avec son camion, si maintenant il faut qu'elle prouve. Alors, quelqu'un de chez vous est venu constater, si c'est à elle de prouver la panne et de l'expliquer. Bon, mais passez-moi en tout cas ce service et faisons en sorte que ça soit réglé milieu de semaine. Alors, nous, à notre niveau, hein, si elle nous envoie la facture aujourd'hui, ça sera réglé encore aujourd'hui. Hein. Mais sauf que pour payer, il faut qu'elle ait rempli l'autre dossier, c'est ça de la panne ? Non, pas nécessairement. Non. Ah. C'est deux dossiers qui ne sont pas liés, en fait. Mais alors, il sert à quoi, alors, le deuxième, si c'est pas lié ? Alors, le deuxième dossier, ça provient d'un autre service, le service gestion des dommages, qui veut comprendre pour quelles raisons il y a eu une panne et pouvoir être sûr que Madame Pédron n'est pas responsable de cette panne. Donc si elle était responsable de cette panne, on la rembourserait pas ? Alors, non, effectivement. Alors, pourquoi vous me dites que vous remboursez quoi qu'il arrive et que ça n'a rien à voir ? J'ai pas dit qu'on rembourserait quoi qu'il arrive. Ah ! J'ai dit que ça n'était pas lié, simplement. Hein, que même si elle ne remplissait pas ce document, nous, on pourrait tout de même lui apporter une réponse aujourd'hui. D'accord. Ah, une réponse, pas un paiement. Oui, bon, les réponses, oui. D'accord. Donc, on est bien d'accord qu'il faut quand même qu'il y ait une analyse de la panne pour pouvoir la rembourser. Oui, mais en fait, nous, on a déjà contacté notre service maintenance et on attend simplement ce document et je vous garantis qu'elle aura un retour aujourd'hui même si elle nous envoie le document. D'accord, passez-moi. Julien, oui. Excusez-moi, je me permets, je comprends pas très bien la déclaration de sinistre que j'ai reçue. Oui. Et quant à l'huile, je l'ai pas cité pendant le trajet, hein, et à part le fait que la personne n'a pas vérifié au départ Le loueur n'a pas vérifié le... Nathalie, rentrons pas là-dedans, sur ce qu'a fait le loueur, pas le loueur. On est sur l'indemnisation, si on commence à rentrer dans l'expertise, y avait-il lu, personne n'y était. Essayons de faire en sorte, voilà, il est tombé en panne, tout le monde est d'accord, ils veulent vous rembourser, tout le monde est d'accord, ils veulent une facture, on va leur envoyer, et maintenant on va expliquer au service panne qu'il y a quelqu'un qui s'est déplacé, qui savent très bien ce qui s'est passé. Donc, je vous propose, monsieur, de me passer, s'il vous plaît, le service donc des pannes, des sinistres, je ne sais pas comment vous l'appelez exactement. Oui, c'est le service gestion des dommages, juste un petit instant, monsieur. Je vous en prie, merci. Maître Felloneau. Au revoir, monsieur, et merci de votre gentillesse et de nous avoir parlé. Je vous souhaite une belle journée. À vous aussi, au revoir, monsieur. Nathalie, vous vouliez dire. J'aimerais, moi, être aussi optimiste que vous, puisque nous avons en ligne la personne qui a écrit à Nathalie. Mais écoutez, c'est vous qui êtes allé de votre propre chef louer un véhicule ailleurs, étant donné que nous, notre dépanneur est arrivé, qu'il a fait le remplissage d'huile et que c'est vous qui avez refusé le véhicule. Donc, il va bien falloir trouver un moyen de s'expliquer, car comme il vous l'a dit au final, c'est il va réfléchir. C'est pas sûr qu'il envoie un paiement. C'est les trucs qui rendent fou. Parce que quand on vous dit il fallait pas aller ailleurs, mais quand vous êtes sur une nationale avec un camion sur le bord de la route, que l'on vous dit au bout d'une heure et demie, écoutez, c'est quand même dangereux de reprendre ce camion, il y en a un autre qui est plus petit, vous ne mettrez pas les affaires dedans puisqu'il ne fait il a un volume plus petit, mais il est à 45 km, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais oui, vous décidez... je me suis dit avec du recul, étant donné qu'il avait, il aurait fallu que je vide le camion avant d'aller chercher le camion, finalement j'aurais pas eu grand chose. Mais non, mais attendez, bien sûr. Allez, on va avoir quelqu'un dans une seconde. Hervé, vous êtes prêt? Vous me faites une alerte dès que vous avez le service sinistre. Nous devons régler ce problème-là aujourd'hui, d'ici la fin de l'émission. Mais ça me met en colère, Julien Soukara. Mais je comprends qu'il vous met en colère. Vous êtes déjà en colère en arrivant parce que vous étiez déjà énervé parce que je suis un petit peu en retard. Et tenez, ça va vraiment vous mettre en colère. Regarde, Nickel. K-Express. Alors, tous les jours, comme on est en direct, et c'est bien d'être en direct, vous appelez le 3210. Faites-le maintenant. Vos cas de déménagement, vous savez, qui ont tourné à la catastrophe. Vous avez peut-être des photos qui nous feront rire, mais on va régler votre problème, des voyages ratés, toutes les aberrations, c'est maintenant au 3210. Insistez au Facebook, la page, ça peut vous arriver. Dominique, appelez-la il y a quelques instants. Dominique, bonjour. Oui, bonjour Julien et bonjour à toute votre équipe. Bonjour Dominique, je vais m'occuper de vous dans quelques instants, direct dans le 9h30-11h. Simplement, histoire de... vous êtes courtier en assurance, vous vouliez développer votre activité. Après recherche sur Google, vous êtes tombé sur une société qui vous a proposé de vous garantir des rendez-vous clients. Bon, au bout du compte, vous avez été plumé de combien si plumage il y a eu? Eh bien écoutez, ce centre d'appel devait me fournir 100 rendez-vous pour 3 000 € payables d'avance. Et vous avez eu combien? J'ai payé les 3 000 €, ils ont été encaissés le 24 août et j'ai toujours pas les rendez-vous. Ah bah voilà, on va s'en occuper dans quelques instants, c'est ça, RTL, chaque matin, à tout de suite. Quant à vous, hein, vous patientez Nathalie. En attendant, si j'ai une chanson à vous chanter Nathalie, c'est celle-ci. Mets de l'huile. À tout de suite sur RTL. Mets de l'huile. Électro, dépôt. Quand c'est pas cher, on entend. À ce prix-là, c'est louche. Chez Electrodépôt, c'est plutôt. Alors là, j'achète. Chez Electrodépôt, nous négocions des stocks énormes pour vous proposer des prix bas tous les jours. Electrodépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Electrodépôt, élue meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 € minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 € valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. D8 devient C8. Du lundi au vendredi, 3 rendez-vous en direct. Retrouvez Daphné Burki et toute sa bande dans la nouvelle édition. Camille Combal et son équipe refont l'actu dans Il en pense quoi Camille. Et ne ratez pas Cyril Hanouna et ses chroniqueurs pour une version XXL de Touche pas à mon poste. Alors rendez-vous sur C8. Papa, je peux te parler d'un truc? Bah tu sais, j'ai un ami qui vient de perdre son père et c'est dur pour lui de gérer le deuil, mais aussi les obsèques, tout ça. T'essaies de me dire quoi là? Ah mais je parle pas de toi, hein. Ça t'angoisse pas ce genre de truc? Mais non, parce que ça m'arrivera pas. Quoi? J'ai tout prévu, Luc. J'ai souscrit une garantie obsèques chez Harmonie Mutuelle. Ah, t'as tout prévu. Merci, papa. Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie obsèques vous permet d'anticiper tous les frais et d'accompagner vos proches dans les démarches administratives. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Petit message Peugeot en forme d'appel. Éclairage? Présent. Ok. Dégivrage? Présent. Très bien. Frein? Présent. Batterie? Présente. Balai essuie-glace? Présent. Feu stop? Feu stop. Il n'est pas là, feu stop? Si, si, présent. Bon, eh bien c'est parti. Voilà un bilan de rentrée qui démarre sur les chapeaux de roue. En ce moment, chez Peugeot, le bilan de rentrée sur 32 points de contrôle est offert. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Le nénuphar prend un F, la flûte perd son accent et le rouge-gorge son trait d'union. La réforme de l'orthographe entre en vigueur à la rentrée. Pas de panique, avec la nouvelle orthographe expliquée à tous, écrire sans faute devient un jeu d'enfant. La nouvelle orthographe expliquée à tous de Dominique Dupriez, un livre Albin Michel avec RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Toujours en attente en ce qui concerne... à l'alerte apparemment, que se passe-t-il Hervé ? Du nouveau sur quoi ? Alors, nous allons revenir sur le cas de Nathalie et son camion de déménagement. Je suis en ligne avec le service gestion et dommages. Vous avez une jeune femme, si vous voulez lui parler, elle est à vous. Bonjour madame, enfin elle est à moi, n'exagérons pas, nous allons juste dialoguer. Bonjour madame, comment allez-vous ? Bonjour. Ah, quoique. Quel est votre prénom ? Voyez. Si vous avez un prénom, bien sûr. Oui, Samantha. Samantha, bonjour Samantha. Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL. Samantha, je vais vous repasser quelques instants. Hervé, c'était juste pour vous prévenir qu'on était sur l'antenne d'RTL. On essaie de régler le problème d'une dame qui a eu un, qui a loué un camion qui est tombé en panne. Ça a été la galère. Elle a dû en relouer un autre. Et on en est au, à la phase de remboursement. Donc il y a un premier service, celui d'Anthony Dupuis qui dit OK, le remboursement doit être possible si elle nous envoie la facture. Ça, c'est fait. Mais il y a un deuxième service qui veut des renseignements. C'est le vote concernant l'origine de la panne. Or, vous avez envoyé quelqu'un sur place qui a vu tout ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire accélérer les choses. Pouvez-vous m'aider, Samantha ? Mais nous, en fait, on a simplement besoin de la déclaration de la cliente sur ce qui s'est passé et qu'est-ce qui l'a mené à appeler l'assistance, en fait, tout simplement. Eh bien, c'est des informations qu'on n'a pas forcément dans le système. Ah, parce que c'est tout ça, il y avait marqué « Arrêtez-vous tout de suite sur le tableau de bord », lequel quelqu'un de chez Six est venu et a constaté qu'il n'y avait plus une goutte d'huile dans le réservoir d'huile. Donc il a dit « On arrête tout de suite ». Voilà, c'est tout. Bah, s'il faut qu'elle vous l'écrive, elle va vous l'écrire. Oui, Maître Fellono. Oui, c'est dommage que vos services soient si compartimentés, madame, parce que dans sa lettre de réclamation, elle a également envoyé la photo des tableaux de bord du camion qui donnait les messages. Voilà. Bougie, contrôlée, etc. Donc cette panne d'huile était vraiment suspecte. Déjà que c'était galère pour elle, si on pouvait lui faciliter la tâche. Oui. Maître Novakovic. Bonjour madame, voilà, je vais essayer de me calmer parce que franchement je suis très mécontente. Mais c'est souvent le cas madame, parce donc que... c'est pas pour vous. Hein. Parce que c'est trois jours sur quatre en général. Mais vraiment c'est très énervant, en ce sens que dans, vous indiquez, vous excusez, vos plus plates excuses sont présentées par mail. Finalement il se passe rien. Alors quand on s'excuse, on répare. On est efficace, on est vraiment pragmatique. Samantha, elle fait bien son boulot parce qu'elle nous a pris, elle va nous aider. Ouais, mais je vous demande simplement d'intervenir pour du pragmatisme. Donc, on présente ses excuses, maintenant, on répare. Allez, Samantha, on va s'arranger ensemble, vous allez voir, on va régler ça. Hervé, vous récupérez. Oui, Samantha. Oui, je me permets. C'est Nathalie, là. Nathalie. C'est, en fait, le document que je suis censée renvoyer à Samantha. En fait, franchement, c'est pas de mauvaise foi, mais je vois pas comment le remplir puisque là, ça ressemble plutôt. Alors, expliquez-lui hors antenne, Samantha, expliquez, soyez sympa, hors antenne à Nathalie. Ce qu'elle doit mettre dans les cases parce qu'elle n'a pas eu d'accident. On vous bascule. Alors, dans ce cas, comme dans ça, on gagne cas, du temps. Si vous ne pouvez pas remplir le document, il n'y a aucun souci. Vous pouvez également envoyer simplement un email en texte libre. Bon, expliquez-lui en antenne. C'est parfait, c'est ce que nous voulons. Copie de votre mail. Voilà. Qu'elle l'a fait 20 fois entre parenthèses. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour calmer, maître. On va être calme. On va être calme. Bonjour le bouchon, ça c'est vous a donné. Non mais la pauvre. Au début, on va pas massacrer Renault. J'aimerais pas être à sa place. Mais je sais bien. Mettez-vous à sa place. Renault arrive et dans, vous voyez, on va régler le problème d'ici 10h, j'en suis sûr. Allez, voici une très très belle chanson de Renault, troisième extrait de son nouvel album, 600 000 exemplaires déjà, et c'est avec RTL, bien sûr, dans le 9h30-11h. C'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau. Mais quand ça vous colle à la peau, putain, qu'est-ce que ça vous tient chaud. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau. Ça vous libère de tous les maux. Ça vous libère de tous les maux. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse. Qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Poèmes, chansons, brûlots vous ouvrent des mondes plus beaux, des horizons toujours nouveaux qui vous éloignent des troupeaux. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Les poèmes d'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots, emmène mon esprit vers le haut, emmène mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses. Et c'est Renaud avec les mots. On va reprendre nos deux cas. Une petite info, on est en direct, qui vient de tomber, qui est importante, puisqu'on vous parle de primaire tous les jours, de ci, de là, de candidat. Là, je lis. Le parquet financier de Paris a requis le renvoi de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne électorale. Alors, ça veut dire quoi exactement? Quand on requiert le renvoi devant un tribunal correctionnel, ça veut dire que le parquet a une position qui est celle de ne pas de solliciter le non-lieu. Il demande le renvoi devant un tribunal correctionnel. Donc, on repart sur une procédure. Maintenant, le juge d'instruction doit donner sa position. D'accord, ok, merci. Voilà. On vous explique au fur et à mesure, il y aura une alerte dans une seconde. Hervé, rapidement, laquelle? Mais dans une seconde. Eh bien, dans une seconde, nous reviendrons avec Nathalie et Samantha. Une belle équipe, un beau duo. Nous avons des nouvelles à vous annoncer. L'allocation de voiture. Et ça va vous plaire. L'allocation de camion. À tout de suite sur RTL. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantages cartes sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ah, ça y est, c'est le grand jour, la chasse est enfin ouverte. Mais il me manque l'essentiel, le chasseur français. Ce mois-ci dans le chasseur français, grand numéro spécial sur l'ouverture de la chasse et une enquête sur les lieux où trouver de l'or en France. Et pour 3,80€ en plus de votre magazine, une lampe torche. Le chasseur français, c'est aussi la pêche, le jardin, la nature. Le chasseur français, la vie grandeur nature. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon Nadia, je file, j'ai 5 interventions à faire ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois vient d'appeler pour une fuite à réparer. Désolé. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189€ par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Crédit Bail maintenance 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous conditions de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. Merci d'avoir fait du 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France à cette heure-ci sur la radio numéro 1. Vous écoutez RTL, nous sommes là tous les matins pour vous aider en direct. Dès demain, vivez une expérience renversante avec le Moi Carrefour. Embarquement immédiat, sensation forte garantie, le Moi Carrefour démarre à toute allure avec des promos sur des milliers de produits de marque et plein de surprises jusqu'au 3 octobre. Attention au départ. Il est 10h. La meilleure information, c'est sur RTL et c'est avec vous, Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Dans l'affaire Big Malion qui concerne les comptes de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, le procureur vient de demander que tous les mises en examen dont Nicolas Sarkozy, soit jugé devant un tribunal correctionnel. Alors c'est maintenant au juge d'instruction chargé de cette affaire de prendre une décision, de dire s'il y aura, oui ou non, un procès. Dans l'actualité du jour de ce lundi, il y a le procès du couple Cahuzac. L'ancien ministre et son épouse, en instance de divorce, vont comparaître côte à côte pour fraude fiscale et blanchiment. Près de 4 ans après le retentissant scandale qui avait coûté à Jérôme Cahuzac son poste de ministre du budget. Le procès avait été interrompu il y a quelques mois. Il va reprendre cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris et durer jusqu'au 15 septembre. La condamnation peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Une double opération escargot est en cours en direction de Calais sur l'autoroute A16. Cette opération escargot rassemble transporteurs routiers et agriculteurs. Une quarantaine de véhicules partis de Dunkerque et une trentaine d'autres de Boulogne-sur-Mer. La circulation sur la 16 dans tout le Calaisis est perturbée pour une durée indéterminée. Les manifestants réclament le démantèlement au plus tôt de la jungle, l'immense camp de migrants qui compte désormais près de 10 000 personnes près du port de Calais. Le gouvernement a promis un démantèlement par étapes, mais les habitants veulent, eux, un calendrier précis. Une chaîne humaine regroupant les commerçants de Calais et des employés du port va également se former aux abords du stade. Le collectif des entreprises et des commerces du Calaisis veut marquer aujourd'hui les esprits. En Allemagne, la chancelière a décidé il y a un an d'ouvrir grand les portes de son pays aux migrants. Eh bien, hier, le parti d'Angela Merkel a subi un revers aux législatives dans le fief même de la chancelière, devancé par l'extrême droite, le parti populiste anti-migrant AfD. Plusieurs régions de Syrie contrôlées par le président Assad ont été ce matin le théâtre d'attentats à la voiture piégée. Il y a au moins 18 morts. Une nouvelle provocation de la Corée du Nord. Pyongyang a tiré ce matin 3 missiles balistiques au large de sa côte orientale sans que le Japon voisin ait été prévenu. Cette démonstration de force des Nord-Coréens survient alors que se tient en Chine un sommet des pays du G20 qui réunit les grandes puissances mondiales. L'US Open de tennis réussit aux Français. Ils sont 3 qualifiés pour les quarts de finale. Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Lucas Pouille. Lucas Pouille, 22 ans, qui a réalisé l'exploit cette nuit de sortir l'Espagnol Nadal en 5-7. La Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin de 0,19%. Cette tendance à la hausse légère persiste actuellement. Le CAC 40 tourne autour de 4 547 points. La météo a des airs d'automne aujourd'hui sur la moitié nord du pays avec de la grisaille, des petites pluies et des températures en baisse, mais l'été reviendra à partir de demain. Et puis au sud d'une ligne Bordeaux-Grenoble, eh bien là c'est du temps estival aujourd'hui avec soleil et chaleur. Attention, le vent se renforce en Méditerranée, des rafales de Mistral à plus de 100 km/h attendues cet après-midi et le risque d'incendie est très important. Les pompiers sont en alerte maximale, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Quelques températures pour cet après-midi, 19 degrés à annoncé à Lille, 22 à Brest comme à Paris et Strasbourg, 24 à Lyon, 26 à Clermont, 30 à Bordeaux comme à Toulouse et Ajaccio, 32 à Marseille, 34 à Nîmes et Perpignan. Les courses cet après-midi à Cran en Mayenne, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet, il vous conseille de jouer le 6, le 14, le 5, l'As, le 16, le 12, le 8 et le 11, et la dernière minute de Bernard, c'est le 5, Zariano. Il est 10h04, vous êtes sur RTL, bien sûr, en ce lundi matin, avec Julien Courbet. Merci beaucoup, d'autres infos tout à l'heure avec vous, à 11h. Nous avons démarré sur les chapeaux de roue à 9h30 avec une histoire de déménagement. Voici ce que nous a dit l'auditrice. J'ai loué un camion pour mon déménagement et j'ai vécu l'enfer. Il est tombé en panne, on m'a fait attendre sur le bord de la route, proposé de faire 45 km pour récupérer un camion bien trop petit et pas adapté. Depuis, le loueur de ce camion continue de se moquer de moi. Du coup, elle doit relouer un autre camion car elle ne peut pas aller à 45 km chercher alors qu'elle a un camion en panne, un camion qui est plus petit et pour se faire rembourser, on la passerait de service en service. Vous m'avez fait une alerte, Hervé Pouchol, concernant ce camion il y a quelques instants. Alors, le service clientèle nous a annoncé qu'il manquait une pièce un peu illisible de la facture. Nathalie va l'envoyer. Ensuite, nous avons contacté le service dommages et gestion de Sixte. Et là, Samantha, j'ai réussi à obtenir son adresse mail pro-perso. Elle va recevoir ce mail. Je suis en copie. Et grâce à Samantha, elle va pas remplir le dossier. Elle va simplement faire un mail explicatif de 10 lignes. Ça suffit avec éventuellement une ou deux photos. Samantha nous a garanti qu'elle aurait une réponse dans la journée. Et Samantha ensuite va contacter le service clientèle. Et normalement, elle devrait être remboursée dans les 48 heures. Hervé, bravo. Parfait. Samantha. Est-ce que Nathalie a entendu ? Oui, merci beaucoup. Allez, on essaie de régler ça pour ce soir ou demain avec des bonnes nouvelles, si possible demain avec Sarah, mais je pense que ça y est, c'est réglé. Un conseil là-dessus, Maître Novakovic, quand il m'arrive ce genre de choses, et Maître Felono, comment faire pour que ça aille plus vite et comment acter ? C'est vrai qu'elle a bien fait de prendre des photos et de dire. Elle aurait peut-être dû envoyer un recommandé en disant voilà tout ce qui m'est arrivé. Tout à fait. Immédiatement, on adresse une lettre recommandée avec accusé de réception et après des mails et des mails et des mails. Et ensuite, on saisit le juge si on voit que ça ne bouge pas. Là, elle a eu raison de saisir RTL, bien sûr, ça a été résolu. Mais dans les cas, si ça vous arrive à vous tous, eh bien n'hésitez pas à saisir le tribunal après si ça ne bouge pas. On va attaquer notre cas de Dominique, qui est l'auditeur qui a appelé spontanément tout à l'heure vers 9h30, qui sera sur l'antenne là dans une seconde. Apparemment, il s'est fait carotter 3000 euros par une société qui lui a dit « On va vous prendre tellement de rendez-vous que vous n'allez même plus dormir. Donnez-nous 3000 euros. » Il les a donnés, les 3000 euros. Les rendez-vous, il les attend toujours. Belle enquête à 10h20 avec une facture de téléphone où, là, où il y aurait eu un renouvellement avec une signature qui ne serait peut-être pas celle de l'abonné, mais de quelqu'un d'autre. On verra ça. Et bien sûr... Ça sent le faux, ça. Oh, ça sent le faux. On va pas dire que ça l'est, mais ça le sent en tout cas. Si vous aussi, vous avez des galères de déménagement, vous avez vécu un déménagement catastrophe, 3210. Voyage raté avec photo-film, 3210. Dépannage de la mort qui a coûté des milliers d'euros, 3210. N'hésitez pas, on vous dit aussi à l'administration que vous habitez Blois alors que vous habitez Bordeaux, et ils ne veulent pas le croire. Enfin, toutes ces administrations qui pètent les plombs, c'est maintenant. À tout de suite pour... Il est toujours en ligne, hein, mon Dominique. Dominique ! Oui, Julien, je vous écoute. Là, c'est à vous. Je marque une toute petite pause et on y va, Dominique. Qu'est-ce que vous faites ce matin ? Eh bien, écoutez, je suis tout à votre écoute et je suis prêt à vous exposer mon cas en sollicitant votre aide. Mais on va le faire façon tropique avec vous, Dominique, si vous le voulez bien. Regardez, je vais vous mettre une toute petite musique pour que vous vous décaliez, parce que je ne veux pas qu'on soit en permanence, vous savez, dans l'agressivité. Voilà. Je vais mettre un pareo pour vous, Dominique. Si votre épouse est là, qu'elle vous mette du monoeil sur le dos, dans quelques instants, on parlera d'une arnaque avec vous, sous le soleil. Puis après, on cogne. Oui. Oh, elle a tout gâché. À tout de suite sur RTL. Petit message Peugeot en forme de devinette. Quelle est la différence entre une perceuse sans fil et l'utilitaire Peugeot Partner électrique? Eh bien, les deux se rechargent en 30 minutes seulement, mais la perceuse ne possède pas de banquette 3 places. Le Peugeot Partner électrique est à partir de 159 euros hors taxes par mois. Option charge rapide 30 minutes et prise de recharge à domicile offerte. Crédit bail 60 mois et 50 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstorePro.com. Stéphane Bern, quelle nouvelle reine allez-vous nous faire découvrir aujourd'hui ? Akhena, une grande reine. Elle a le pouvoir d'agrandir l'espace et de faire régner la lumière. Akhena règne sur la France depuis plus de 35 ans. D'une élégance incomparable, moderne ou traditionnelle, Akhena s'habille sur mesure. Et où peut-on rencontrer Akhena ? Chez vous, bien sûr. Akhena, c'est votre véranda. C'est l'anniversaire Akhena. Rendez-vous sur akhenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akhena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. L'histoire de Dominique, maintenant, il nous a appelé à 9h30 au 3210. Le standard est ouvert pour vous. J'attends vos appels pour passer dans l'émission dès ce matin. Donc, courtier en assurance, il veut développer son entreprise. Et quand on est courtier, on a besoin de clients. Et une société vous démarche ou c'est vous qui l'avez recherché sur Google, c'est ça ? Alors moi, j'ai fait une recherche et après, Voilà, Dominique, est-ce que vous avez un haut-parleur ? Non. Ah, alors vous avez une mauvaise ligne. Alors on va essayer de parler doucement pour bien vous entendre. Donc vous avez fait une démarche et vous trouvez une société qui vous propose de vous vendre en fait des rendez-vous téléphoniques. Voilà, un centre d'appel qui me propose de me prendre des rendez-vous pour moi plusieurs jours par semaine. Et donc j'ai une interlocutrice commerciale, Madame Serra, qui est très charmante et qui me relance plusieurs fois. Et finalement, au mois d'août, je décide de leur acheter un pack de rendez-vous, comme ils appellent, pour 100 rendez-vous, pour 3000 euros. D'accord. Et voilà. Ça a été payé. Combien de rendez-vous à ce jour ? Zéro, hein, c'est ce que vous m'avez dit. Voilà, zéro. Et le 26 août, j'ai essayé de les joindre pour savoir si tout serait opérationnel pour le 31. Et depuis, c'est la galère, puisque personne ne me répond. Non, vous n'avez eu aucune explication à ce jour, Dominique, de leur part, sur le fait qu'il n'y a eu aucun rendez-vous. Absolument pas. Bon, Maître Fellono, un mot et on appelle tout de suite. Oh ben, je lis, là, j'ai tapé moi aussi sur Internet. Et le slogan, c'est ça. Combien de temps vos commerciaux passent-ils à prospecter au téléphone ou sur le terrain? Imaginez que vos commerciaux n'ont à se déplacer que pour assurer des rendez-vous. Donc, ils se proposent, effectivement, sont des spécialistes de la prospection téléphonique. Après, encore faudrait-il que ça fonctionne. Après, on ne dit pas que c'est le cas. Je dis bien, on ne dit pas que c'est le cas. Attention aux boîtes qui vous envoient aussi des rendez-vous bidons, parce qu'il y en a aussi qui, pour justifier, font des rendez-vous bidons. Attention, on voit, effectivement, des abus de confiance qui sont en cascade actuellement. Alors, je ne dis pas que c'est cette société, on va le savoir bientôt. Voilà. Mais en tout cas, méfiez-vous, parce que des fois, on peut signer des contrats fictifs, avec des prestations fictives, et à ce moment-là, c'est procureur qui s'en mêle. Donc, il faut bien vérifier. Bon, moi, je peux... Julien, oui, Julien, Dominique. S'il vous plaît, si je peux juste faire une petite précision. Allez-y. Donc, à force de ne pas pouvoir les joindre, le 31 août, ils ont mis sur mon accès à leur site une liste de 100 noms, mais qui ce n'est pas des rendez-vous, c'est juste des noms et ça ne correspond pas aux critères de sélection. Et donc, c'est prévu dans leur bulletin d'adhésion de faire une réclamation. J'ai fait une réclamation le 2 septembre, puisqu'ils disent qu'il faut la faire sous 48 heures. En leur demandant de m'appeler sur la journée pour me donner des explications. Et là aussi, je n'ai plus d'explications. Ok, Dominique, compris, on les appelle. C'est parti, l'appel est lancé. Maintenant, nous allons avoir ces gens-là. Non, mais nous, on n'est pas comme ça, Dominique. Et je connais... Je peux vous avoir un rendez-vous avec Julien Courbet qui peut vous aider, Dominique, pour 2000 euros. Ah, rien, 10 000 euros, ça... Alors, on a fait le numéro fixe ou le 0810, là, Sarah, s'il vous plaît? Le fixe, Julien. D'accord. Donc, on a deux numéros, un 04. C'est le standard, c'est à Perpignan. Ah, bien. Parce que vous êtes où, vous, Dominique? Vous n'êtes pas Perpignan, vous? Je suis à côté de Clermont-Ferrand, dans un petit village du Puy-de-Dôme qui s'appelle Gignat. Bah, il connaît bien, mais, bah voilà. Ouais. Il est du Puy-en-Velay. Ouais. Petit-fils de l'inventeur du but à gaz. Oui, allô? Goucol, bonjour. Oui, bonjour, Goucol. Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Nous sommes en direct sur la radio RTL, mademoiselle. Pardonnez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais avoir un responsable, s'il vous plaît? Oui, attendez deux petites minutes. Merci, madame. Donc, la dame de Perpignan essaie de nous trouver quelqu'un. Vous vous mettez en chauffe quand même, Sarah, pour le deuxième numéro, sachant qu'on a aussi le numéro d'une maison mère. Après, je suppose, mesdames les avocates, qu'il va y avoir un débat sur qu'est-ce qu'un rendez-vous. Après tout, ils peuvent dire, nous, on vous a trouvé quelqu'un, c'est vous qui n'avez pas fait le suivi, vous n'avez pas été sur place. Vous voyez, on peut toujours trouver un tas d'excuses. Mais c'est pour ça que c'est trop facile, ce genre de contrat. Il faut faire très attention. Un rendez-vous, ça veut dire qu'ils arrivent à vous mettre en relation avec une personne et que cette personne est intéressée éventuellement. Mais bon, parce que des rendez-vous, on peut en faire n'importe comment. Ah bah, demandez à Hervé Pouchol. Hervé, vous avez quand sur 100 rendez-vous, vous arrivez à en conclure sur 100 combien à peu près? Parce qu'il est très bon en rendez-vous. Deux, voyez. Ah ben là, c'est 23% qui se concrétisent par un marché. Vous devriez plutôt que de draguer tout seul, vous devriez passer par des boîtes. Oui. Alors, allô? Il y a quelqu'un chez Goucol? Oui, allô? Bonjour madame de Goucol, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL au moment où je vous parle. Je suis en communication sur l'antenne avec Dominique Poirier qui nous dit la chose suivante. Sa société A2P2L a payé, je crois, 3000 euros pour une centaine de rendez-vous et il n'en a eu aucun. Il a fait des réclamations et il nous dit « j'ai pas de nouvelles ». Alors moi je dis « j'appelle », on va leur demander leur version des faits. Excusez-moi, c'est une blague, c'est monsieur non, Courbet au téléphone? Non, c'est vraiment monsieur Courbet, je vous passe Dominique Poirier qui va vous dire que c'était pas une blague, Dominique. Oui. Alors expliquez à cette dame, et c'est normal, elle peut croire que c'est une blague. Avec qui avez-vous eu affaire là-bas, Dominique? Avec madame Sarah Priscilla. Est-ce que c'est vous, madame? Non, moi je suis la responsable, monsieur. Mais tant mieux. Voilà, tant mieux. Donc voilà, monsieur a payé 3000 euros à Google. Quand ça déjà, Dominique? Qui ont été encaissés le 24 août. Et il attend toujours les rendez-vous, et il y en avait une centaine de prévus, et vous n'avez rien, Dominique, c'est ça? Et surtout, personne ne me parle. Non, c'est RTL, la radio, RTL, la radio. On va vous mettre un petit jingle. RTL. Voilà. TF1, c'était... Ah, oui, c'était pas mal. Sans aucun doute, le bon temps. C'était il y a quelques années, oui. D'accord, Alors, ensuite, le bon temps, il est bien aussi, maintenant, le bon temps. Vous m'avez dit, c'est pour la société, on va reprendre. Ben voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que mon collaborateur, Hervé Pouchol, va vous faire un point avec votre client et l'auditeur sur les tenants, les aboutissants. Comme ça, on se parle et tranquillement après. Vous ne traitez pas les litiges entre professionnels et particuliers? Pardon? Vous ne traitez pas les litiges entre professionnels et particuliers? Ah, je traite tout, moi. Je traite tout ce qui arrive au standard. Tous les particuliers, problèmes. Particuliers, professionnels, hommes, femmes, gros, maigres. Voilà. Tout. Ah, même les problèmes de chien. Vous avoir au téléphone. Mais moi aussi, je suis ravi. Et quel temps fait-il à Perpignan? Ben écoutez, ça va, il fait plutôt ensoleillé. Ah ben ça va taper aujourd'hui, il paraît. Oui. Bon, allez, on va régler ça, madame, entre gens sérieux, ok ? Vous êtes adorable. Je vous passe Hervé, vous me faites un petit résumé, Hervé, de la situation. Je vous propose que l'on marque une petite pause. L'enquête de 10h20 arrive avec cette histoire de signature. Vous avez envie d'écouter de la musique, j'ai envie de retomber en 98, Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais... J'adorais, moi. Ben, ouais. On a quand le seul disque qu'elle connaît, donc autant lui mettre. Ça tombe bien. Ouais. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. But girl, you know I've got to go. But I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Sur RTL, nous soulignons de temps en temps quand nous le pouvons les belles initiatives, la traversée de l'espoir pour la sclérose en plaques. Le général Defretin, qui est quelqu'un qui défend cette cause, va entre le 10, écoutez bien, le 18 septembre, traverser le lac Léman entre Lausanne et Thonon-les-Bains pour soutenir les personnes atteintes de la sclérose en plaques. 20 km à la nage, et il y a plein de parrains, de gens du handisport. Voilà, ne manquez pas ce grand défi. Il faut soutenir ces gens-là entre le 10 et 18 septembre au lac Léman entre Lausanne et Thonon. Ça avance de votre côté, Hervé Pouchol, en ce qui concerne ces prises de rendez-vous payées 3 000 € qui n'auraient pas été honorées d'après l'auditeur d'RTL. Alors, madame De Poli, qui est la gérante de cette société Google, a retrouvé le dossier de Dominique Poirier. Elle va vous expliquer un petit peu où on en est, où je continue. Alors, Conon, vous la mettez en juste, on patiente quelques instants. Là, regardez une toute petite pause et on va peut-être savoir. Et puis, la grande enquête démarre derrière. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, dont YouTube et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bbox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Votre saison pro recommence ? C'est le moment de recruter un nouveau coéquipier. Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez anticiper les démarches liées à votre déménagement. Vous pouvez par exemple souscrire votre contrat d'électricité à tout moment jusqu'à 2 mois à l'avance sur le site edf.fr. Et maintenant, c'est même possible sur votre mobile. Simplifier votre déménagement, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos services sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RTL présente le Vampitour. La tournée événement des stars de ta série préférée Chica Vampiro est de retour. Retrouve Daisy, Max, Marilyn et Mirko au Zénith de Paris le 2 novembre et en tournée dans toute la France du 19 octobre au 6 novembre. Réserve vite tes billets dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Avant d'attaquer ce cas de ligne téléphonique résiliée qui finalement ne l'est pas avec une autre signature qui ne serait pas celle de celui qui aurait dû signer, on reste sur Dominique avec A2P2L. Dominique, vous avez pu discuter avec cette charmante dame de Google ? Un tout petit peu, oui. Alors on en est où ? Eh bien écoutez, le souci c'est qu'elle dit qu'ils ont livré une liste qui est en attente de confirmation, mais cette liste-là ne correspond pas du tout au bulletin d'adhésion, puisque dans le bulletin d'adhésion sont précisées deux choses. Les gens qui ont fini des rendez-vous sont 63 et que ça doit concerner des gens de plus de 55 ans. Or, sur cette liste que j'ai parcourue, où j'ai imprimé plusieurs fiches, toutes les personnes ne sont pas dans mon département et ont des âges bien inférieurs à l'âge requis dans les conditions d'accord. de validation. Est-ce que vous confirmez, madame de Goucol ? Allô, oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, ce monsieur semble dire... Qui, Alors là, c'est Julien Courbet qui parle. Nous sommes de nouveau en direct sur RTL avec Dominique et Hervé Pouchol. Alors, est-ce que cette liste correspond ou ne correspond pas ? Apparemment, il dit qu'il y a plein de gens qui ne correspondent pas à ce que j'ai demandé et ce pour lequel j'ai payé. Là, on est hors antenne ou... Non, on est à l'antenne, madame. On est sur l'antenne d'RTL, en direct. D'accord. Alors, comme j'expliquais à votre collaborateur, il y a un contrat quand même qui a été mis en place qui, comme je disais, n'était pas très long parce qu'il tient sur une page recto verso, sur lequel est stipulé qu'il y a des conditions générales de vente qui sont mises à disposition sur notre site internet, où on mentionne bien évidemment clairement noir sur blanc les délais de mise en place, et notamment qu'on, en termes de rendez-vous, on peut livrer du contact, mais là ce sont des contacts qui sont en voie de reconfirmation, donc de toute manière on est dans les délais. Non mais c'est pas une question de délai, lui il dit qu'il a payé pour avoir des contacts de plus de 55 ans dans une certaine région et que ce n'est pas le cas. Troisièmement, voilà, sur le troisième point, il y a un délai de 48 heures pour porter réclamation à ces contacts. Ça a été fait par mail... Voilà. C'était fait sur votre adresse, service client. Ça marche. Dominique, voilà. Ça a été fait. Donc, madame, comme ça a été fait, qu'est-ce qui se passe donc, maintenant ? Donc, la réclamation a été bien faite par mail ? Oui. Absolument. Voilà. Donc, s'il l'a envoyé dans les... Le 2 septembre à 8h44. Voilà. Ben, si ça a été fait, ça sera traité donc par le service qualité sur lequel ils vont vous répondre qu'ils vont recréditer les contacts. Il n'y a pas de problématique. On n'est pas sur 3 semaines, un mois où il n'y a pas eu de réponse. On est sur 3 à 4 jours ouvrés. Même pas. Il a envoyé sa réclamation le 2. On est lundi. Madame, le problème, c'est que j'attends d'avoir des vrais rendez-vous pour travailler et que, comme vous ne me les fournissez pas et que je n'ai pas d'informations, eh ben, je suis coincé parce que je ne sais pas à quel moment ces rendez-vous vont arriver et s'ils seront véritablement exploitables. Mais monsieur, vous avez été livré le 1er, vous avez porté réclamation le 2, on est le 5, il y a eu le week-end entre-temps, excusez-nous, mais les services sont fermés le week-end. Il n'y a rien d'alarmant dans... J'ai appelé pendant 4 jours, j'ai eu 12 fois la même personne, on devait me rappeler. Oui, vous avez eu le standard, monsieur. Voilà, donc j'ai eu le standard, j'ai eu le secrétariat, en aucun cas la commerciale m'a rappelé. À chaque fois, je dis que c'est urgent. J'ai passé toute la journée du 31. Dominique, ok, bien compris. Donc voilà ce qu'on va faire, madame. Nous sommes lundi aujourd'hui. Vous êtes monsieur Courbet. Là, c'est monsieur Courbet. Nous sommes lundi aujourd'hui. Quand est-ce qu'il va avoir du nouveau? Donnez-moi une date, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'il aura réponse du service de réclamation aujourd'hui ou demain au plus tard. Ils vont lui relivrer. Par contre, je préfère le stipuler d'avance, ce sera sur une base de contact et non de rendez-vous. Hein. Mais alors, il a payé pour des contacts ou des rendez-vous? Il a payé pour des rendez-vous. Nous, dans un premier temps, on effectue de la prise de rendez-vous. Mais, la mais madame, écoutez, est-ce qu'on peut pas... Mais non, mais madame, il faut du rendez-vous. Mais monsieur, c'est stipulé dans les conditions générales de toute manière. Bon, alors ça, il faut prévenir tout le monde, parce que là, je trouve qu'il y a quand même une petite ambiguïté. Je comprends le coup de signer un truc et aller voir sur notre site. Non, mais monsieur, écoutez, il n'y a pas d'ambiguïté, puisque si, il y a une ambiguïté. Noir sur blanc sur un contrat, c'est un professionnel. Alors, qu'est-ce qui a marqué noir sur blanc sur le contrat, la page qu'il a signée? Dites-moi, quelle est la phrase exacte? Vous l'avez, Dominique, le contrat, on l'a? Non, puisqu'il a placé. Absolument. Alors, allez-y, lisez. Dominique va lire ce qui a marqué sur le contrat. Voilà, critères de validation, découpe décisionnaire présent lors du rendez-vous, des seniors à partir de 55 ans, montant de leur cotisation, exclure ceux qui ont une mutuelle, donc d'une société de Clermont-Ferrand, nom du prestataire, et ensuite zone géographique des rendez-vous, le 63. Non, mais est-ce qu'il est question de contact ou de rendez-vous? Volume et fréquence souhaitée, 100 rendez-vous, 2 à 3 rendez-vous par jour. Soit 12 rendez-vous par semaine pour un conseiller. Est-ce que le mot livraison, contact est indiqué? Aucun autre contact, voilà. Et livraison à côté du 31-8. Alors, okay. J'aimerais bien aussi qu'ils lisent la deuxième page, parce que comme je vous ai dit, c'est pas très, très long mon contrat. Deuxième page, il faut les faire plus lourds dans ces cas-là. Il n'y a pas de petites phrases ambiguës. Alors, deuxième page, apparemment, il y a une deuxième page. La deuxième page, c'est marqué que si on n'est pas content, il faut faire une réclamation sous 48 heures. Et la réclamation, je l'ai faite. Alors non, vous voyez, c'est bien de prendre des phrases hors contexte. Allez-y. Aussi. C'est bien marqué aussi qu'on accepte les CGV sans réserve qui sont mis à disposition sur le site et qu'on préfère. D'accord. Non, vous êtes en train de me dire. D'accord, mais madame, est-ce que sur le contrat, madame, j'ai bien compris que vous avez marqué. Évidemment, vous êtes malin. Vous avez marqué aller voir les conditions générales, mais nulle part sur le contrat est-ce qu'on est d'accord pour dire ça qu'il n'y a marqué le mot contact. Mais est-ce que sur le contrat il est marqué attention, des fois ça ne sera pas des rendez-vous, ça sera des contacts. Comme vous êtes en train de lui dire, parce que vous lui avez dit il y a deux secondes, attention, ça sera peut-être pas des rendez-vous, ça sera des contacts. Est-ce que ça c'est marqué dans le contrat? Il y a là les conditions générales de vente, monsieur. Oui, dans les conditions générales qu'il faut aller voir sur le site. Allez, on marque une petite pause. Écoutez, on prépare le numéro du siège, s'il vous plaît, Sarah. On va passer à la vitesse au-dessus, parce que, enfin, personnellement, madame, enfin, j'espère, moi, je serai vous. Hein. J'arrêterai avec lui, je lui dirai. Les conditions générales de vente. Parce que ça sent pas. Monsieur Poirier, je mets ma main. Je lance un appel, en tout cas, parce que madame. De vente en tant qu'assureur. Ok, mais s'il y a des gens qui sont passés par Google et qui sont très contents et qui veulent nous dire j'ai prospéré, allez-y, 32-10 ou si ça s'est bien passé, essayons de savoir, parce que le coup. Vous savez, on fait un tout petit contrat. Le tout, c'est d'aller voir après sur Internet où il y a les conditions générales. C'est jamais très bon, ces histoires-là. Tout de suite sur RTL. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve, ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais? Votre Baron de l'Estac. Rosé, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Credit Buy maintenant 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voire Renault.fr. Le mois Carrefour! Vous êtes au courant? Le mois Carrefour ouvre ses portes dès demain! avec des promos renversantes. Jusqu'à 70% de remise fidélité sur la carte Carrefour jusqu'au 12 septembre. Sur les capsules Ariel et encore plein d'autres produits de marque. Waouh, jusqu'à 70%. Et oui, sensation forte garantie. Alors attention au départ, parce que le mois Carrefour, ça va démarrer très fort. Valable sur les capsules Ariel Pods 3 en 1 par 30. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Produits concernés, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Affligem, cuvée blonde. D'abord, contempler les reflets dorés de sa robe millénaire. Puis, ressentir toute la richesse du bouquet fruité d'Affligem. Enfin, savourer le subtil équilibre de ses notes de fruits jaunes et de miel. C'est l'instant où se révèle la parfaite harmonie d'Affligem, cuvée blonde. Affligem, et si la bière se dégustait ? Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Dossier très intéressant avec Dominique qui est passé par Goucol à Perpignan qui fait partie du groupe Direct Rendez-vous qui lui est à Marseille. Donc Hervé. Oui, bah c'est la gérante hein, la, de la maison de mère, absolument oui. De tout. Elle est en ligne, Madame de Poli. Non, parce que c'est pas le groupe Direct Rendez-vous, c'est le groupe Call Consulting, mais bon, si vous voulez. Le Direct Rendez-vous, c'est quoi ? Direct Rendez-vous, c'est une enseigne commerciale de Call Consulting. Hein. D'accord, c'est l'adresse de votre siège à Marseille. Tout à fait. Voilà. Ok, bon. Madame, est-ce que vous ne voulez pas arrêter avec lui, tout simplement, trouver une cote mal taillée pour on continue à avancer là-dessus ? Et dans ces cas-là, ce que je vous propose, si vous voulez avancer, on est bien d'accord que vous avez dit que dans les conditions générales, le rendez-vous peut se transformer en contact, etc. Mais est-ce que on est bien d'accord pour dire que s'il a dit qu'il fallait des gens de plus de 55 ans, etc., ça, par contre, ça doit être respecté à la lettre. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Bon. C'est pour ça qu'il y a un délai de réclamation et qu'on va lui recruter. D'accord. Les contacts qui lui ont été fournis. Alors, sans aucun problème. Dominique, à partir d'aujourd'hui, sur l'antenne d'RTL, tous les deux jours, vous allez nous appeler, nous donner les contacts que vous avez, le nom des personnes que vous avez. On va vérifier ces contacts, on va les appeler, on va voir comme ça, en toute transparence, si c'est sérieux, pas sérieux. Ou alors, vous trouvez un accord avec cette dame, on coupe pas la poire en deux, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, mais on trouve un petit accord, et on disparaît de la circulation, et vous ne travaillez plus avec eux. Dominique ? Oui, juste une précision, oui. Julien, moi je n'ai jamais eu je n'ai jamais acheté des contacts et c'est bien des rendez-vous. C'est oui. Pour ça qu'ils m'ont donné un accès à leur site pour lequel moi je remplisse mon agenda avec mes indisponibilités de manière à ce que les rendez-vous ne viennent pas coïncider avec une indisponibilité. On n'en est pas là. Mais c'est vrai que la notion, mais on n'en est pas là de publicité mensongère parce que lui est persuadé, Maître Novakovic, vous qui êtes une grande spécialiste du pénal, il est persuadé d'avoir des rendez-vous et quand sur le contrat, c'est des rendez-vous, mais sur le contrat, il est marqué « Allez voir les conditions générales sur le net » où là, ça peut se transformer en contact. Tout à fait, Julien. Alors là, évidemment, notre ami Dominique nous a contacté sans nous donner le dossier pour l'instant, mais il va de soi qu'en fonction du dossier, souvent, il m'arrive de conseiller à mes clients de saisir le procureur de la République pour publicité mensongère sur le plan pénal, parce que des fois, il faut mieux passer par le pénal que par le civil. Ah, madame. Il y a eu une incompréhension, est-ce que vous voulez pas oui. La dame, c'est... Une avocate Maître pénaliste, Maître Novakovic. Oui, vous parlez de ça sans aucun doute, c'est la dame qui a les grands yeux bleus, là. Ah, brune. D'accord. Voilà, c'est elle. Est-ce que vous voulez pas trouver... Bon, là, vous n'êtes pas entendu, ça peut arriver, il n'a pas compris. Trouver un accord avec lui, on n'en parle plus. Bah, écoutez, il y a un contrat qui a été mis en place, comme je... Mais oui, mais qui n'est pas respecté, madame. Il a bien été mis en place. Complètement respecté. Mais non, il n'est pas respecté. Sûr. Vous êtes déjà, en train de dire que... On a des délais de livraison, d'accord, qui courent. Mais vous n'avez pas les bonnes personnes. Vous ne lui avez pas... Mais non seulement vous ne lui avez rien donné, le peu que vous lui avez donné, ce n'est pas les bonnes. Il a effectué la réclamation dans les délais, je ne vois pas le... Bon, ok. Eh bien, mercredi, on se parle sur l'antenne. On fait ça. Dominique, ça ne sert à rien de parler pendant des heures. Mercredi, point, Sarah, sur l'antenne d'RTL, et vous allez me donner à chaque fois le nom, les contacts, on vérifiera ces gens-là, d'accord ? Absolument. Allez, mercredi, on fait ça, madame, on se permettra de vous rappeler, comme ça on verra bien que tout est sérieux, bétonné, et on fera ça tous les deux jours sur RTL, d'accord ? Et je vous enverrai des conditions générales, car sur les conditions générales, il n'y a pas de notion de contact. Et si madame m'y autorise, on va mettre le contrat sur le net, sur la page « Ça peut vous arriver », qu'on voit bien tout ce qui est marqué en toute transparence, qu'on ne dise pas de bêtises. Hein, ça vous m'y autorisez, madame ? Pas vraiment, mais... Ah mince, pourquoi vous voulez pas que je mette le contrat sur le net ? Parce qu'il a rien à cacher, votre contrat. Ah non, il a strictement rien à cacher. Ah alors, c'est pour ça, on va le mettre. Tous mes professionnels ont un contrat, vous savez, le problème n'étant pas là. Donc on va le mettre sur le net, comme ça les gens qui nous écoutent, ils peuvent bien voir de quoi on parle, le recto, le verso, on va mettre. Et puis on mettra même la petite phrase qui dit « Allez voir les conditions générales » pour qu'on voit bien qu'on est dans le cadre de choses faites de manière professionnelle. Donc ça, on va le mettre tout à l'heure sur le net, et mercredi, on se parle, madame, avec les premiers contacts, puisque le service contentieux aura parlé à Dominique, on va suivre ça pendant un petit mois. Les contacts qu'on a livrés pour M. Poirier actuellement ? Non, les nouveaux, puisque les nouveaux ne vont pas, madame. Les contacts que vous avez envoyés ne vont pas, il faut des gens de plus de 55 ans. Est-ce que c'est le cas, Dominique ? Absolument pas, et surtout, faut qu'il réside sur le 63. Voilà, et là, il réside pas dans le 63, donc il n'y a ni l'âge, ni le département. Donc il faut trouver des bons, mais vous allez les trouver, puisque vous me dites que ça a été traité très rapidement, vous allez lui trouver tout ça d'ici la fin de la semaine. Okay, on n'a pas le nécessaire pour vous inquiéter. Voilà, ça marche. Allez, on appelle direct rendez-vous Google, mercredi sur l'antenne. À mercredi, Dominique. À mercredi, Julien, merci beaucoup. Merci, rendez-vous mercredi, c'est bien. Merci, au plaisir, madame. Ça m'a fait vraiment plaisir. Moi aussi, madame. Au téléphone. Moi aussi, je vous souhaite une belle journée à Perpignan. Depuis bébé, je vous regarde. Oh, dites donc. Moi, j'ai commencé bébé aussi, c'est pour ça qu'elle dit ça. Moi, j'étais précoce. J'étais très précoce. Il y avait des bébés dans les landaus. Voilà. Puis il y avait, moi, j'étais dans le landau. Très vite, aussi, voilà. Très vite, ma mère m'a dit toi, bébé, à 6 mois, tu vas aller faire de la télé. Allez, dans une seconde, mesdames et messieurs, belle enquête. Une enquête avec Fabien. Fabien qui nous dit on aurait pu peut-être imiter ma signature chez un opérateur. Alors, on ne dit pas que c'est le cas, mais ça mérite quand même d'y jeter un coup d'œil. Le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France. Vous êtes sur RTL. A tout de suite. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Je vous donne rendez-vous sur France 2 pour une nouvelle saison inédite de Secrets d'Histoire, chaque mardi soir. Cette semaine, Stéphane Bern vous dévoile le fabuleux destin d'une personnalité ambitieuse et mystérieuse, la Duchesse de Windsor. Stéphane Bern suit les traces de cette Américaine deux fois divorcée qui épousera le roi Édouard VIII d'Angleterre. Alors, rendez-vous demain à 20h55 sur France 2 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Avec RTL. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui, Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute. La qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. J'accueille Fabien parce que qu'il ne désespère pas, on a un peu de retard, mais c'est ça, c'est le direct, on se laisse porter, on négocie pour vous, on se bat pour vous. Fabien, voilà ce qu'il nous a dit sur l'antenne d'RTL. J'ai quitté un opérateur chez qui j'avais un compte pro sur 12 mois. Voilà qu'il me réclame près de 500 euros me présentant un contrat que j'aurais signé sur 24 mois. Sauf que ce n'est pas ma signature et que je suis le seul habilité en tant que gérant à signer un contrat. Charlie Puth et Selena Gomez sont en duo. Et ils chantent We don't talk anymore. Car j'envisage, dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, de faire un petit séjour en Amérique du Sud où je n'ai jamais mis les pieds. Et je, petit à petit, je commence à m'y mettre. Vous parlez un peu comme ça, le français d'Amérique du Sud? Non. Si. Il faut parler un peu comme ça. Vous savez où? Caramba, je sais. Hey, regardez, elle sait bien. Donc, oui. Je sais bien. Quand il y a un client mexicain qui vient, il voudrait divorcer. Je dis oui. Oui, coucou. Allez, on y va. Je peux vous aider. C'est Selena Gomez et Charlie Puth sur RTL. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. We don't talk anymore. driving tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Charlie Proust et Elena Gomez sont sur RTL dans le 9h30, 11h. 11h moins 20, j'ai Fabien en ligne. Fabien, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Je suis ravi de vous parler. Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe d'RTL. Vous nous appelez d'où, Fabien ? De Vannes, dans le Morbihan. Allez, un peu de douceur dans ce monde de brut, Fabien. Maître Fellonneau, mais en 30 secondes chrono, car elle est capable de le faire, vous résume maintenant la mésaventure et le doute qui plane sur le cas de Fabien. Musique. Fabien est le dirigeant d'une société, il est le seul à pouvoir engager cette société, il a la signature sur les comptes, etc. Il va souscrire un abonnement téléphonique, il détermine toutes les conditions, il n'arrive pas à avoir sur place le double du contrat. Il le réclame, etc. Il s'aperçoit que les premières factures ne coïncident pas au tarif convenu. Il fait une réclamation, il obtient son tarif convenu. Au bout d'un an, il en a marre, il veut changer d'opérateur. Et là, on lui dit « Ah mais non monsieur, vous voulez résilier ? Vous allez payer une indemnisation pour résiliation anticipée parce que vous êtes engagé sur 24 mois. 24 mois, donnez-moi le contrat, cette fois-ci vous allez vraiment me le donner. » Enfin il le reçoit et ce n'est pas sa signature. Aïe. Il fait une contestation en envoyant photocopie de sa carte d'identité. Ça n'a absolument rien à voir. Je n'ai qu'un mot à dire dans ces cas-là. Oh oui. Ah, on est bien d'accord, oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir, Fabien, soyons clairs, quelqu'un d'autre qui aurait pu, dans votre société, croyant bien faire, un comptable qui reçoit ça, qui s'assure de l'administratif, signé à votre place ? Impossible. Impossible. Et en plus, de toute façon, ça voudrait dire que Orange ne vérifie pas les signatures. Il s'agit d'une SARL. Une SARL, il n'y a que le gérant qui peut signer. Ça, Fabien, excusez-moi, voilà. Mais qui ne vérifie pas les signatures, je veux bien croire que ça se passe comme ça partout et que personne ne vérifie. Mais après, quand vous leur dites, les gars, ce n'est pas ma signature, comment réagissent-ils ? C'est ça qui est important. Alors, le souci, c'est que je n'ai jamais réussi à avoir contact avec Orange. Le contrat, je l'ai obtenu après courrier auprès de la société de recouvrement qui me harcèle depuis 6 mois. Et alors ça, voilà, les sociétés de recouvrement a... Oui. Et vous avez continué à leur répondre, la société de recouvrement, je le redis une nouvelle fois, quand vous recevez un papier d'une société de recouvrement, ça ne vaut rien. Vous renvoyez un recommandé, on est d'accord, maître Nankovic. Je vais faire mon doigt Covid show. Allez-y. Hein, Je surveille. Je renvoie une lettre recommandée en disant, monsieur, merci de ne plus m'envoyer de courrier si vous n'avez pas de jugement. D'accord, c'est ça qu'on leur dit. Tout à fait. Et sans jugement, il n'y a rien, ça ne vaut rien. Donc il ne faut même pas perdre son temps à faire ça. Bon bref, aujourd'hui, où en êtes-vous avec Orange ou avec la société de recouvrement, qu'on va appeler d'ailleurs, hein, s'il le faut? Orange leur a envoyé un courrier, donc vous avez le double. La société de recouvrement leur a envoyé un courrier. Oui. Et il se passe rien, ils continuent à m'envoyer des recommandés en me disant qu'il faut que je paye, etc. Bon, alors s'il y a fausse signature, maître Nankovic, je dis bien si, la pénale, c'est pour oui, vous alors, ça. Il y a deux solutions, mais oui, pour aller plus vite, vaut mieux à ce moment-là saisir les tribunaux pour demander effectivement la suspension des paiements dans l'attente de l'analyse graphologique de la signature. Ou alors vous allez au pénal pour faux, vous portez plainte contre X pour faux parce qu'il y a un faux. Il y a deux solutions possibles, mais dans tous les cas, il va falloir quand même faire suspendre cette poursuite. Hervé, là on parle de combien en fait on vous réclame 400, combien on vous demande-t-on en trop? Moins de 500 euros, la somme n'est pas importante, mais c'est pour ça. Le principe. La société de recouvrement, mademoiselle Frick, s'il vous plaît, vous me l'appelez. Est-ce que je peux juste préciser quelque chose? Mais bien sûr, Fabien. Voilà, en même temps, Orange m'a inscrit au fichier préventel des mauvais payeurs. Oh là, c'est bien, ça, grave. Ah, ça, c'est plus grave, oui, oui. Non, non, mais... je suis déjà jugé avant même d'avoir d'être passé devant un tribunal. Et alors, ça a une incidence pour moi, parce que je m'en suis rendu compte. Vu que pour l'entreprise, pour l'ensemble des lignes internet, fixes, etc. de l'entreprise, j'ai contracté avec un nouvel opérateur dont vous avez la copie au mois de juin, pour baisser... Il faut faire vite, Fabien, parce qu'il me reste qu'un quart d'heure. Pour baisser le coût, et c'est là qu'ils m'ont dit, non, on peut pas vous prendre comme client, compris. Parce que vous êtes inscrit au préventel. Mais ça, il y aura des dommages et intérêts, parce que si c'est chez eux en plus qu'il y a une fausse signature, vous imaginez un peu. La société de recouvrement, très rapidement, Sarah nous a fait le numéro, on a un contact là-bas, il s'appelle Dominique Hervé. Oui. L'interlocuteur, elle s'appelle Ishkov. Ah non. C'est Leshkov ? Comment elle s'appelle la société ? Leshkov. Ah, Leshkov. Comment vous dites-vous, Fabien ? Ijikov. Ah oui, que c'est Ijikov, Leshkov. C'est pareil. C'est pareil. Voilà. Bonjour. Ijikov, bonjour. C'est Julien Courbet, madame. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Pourrais-je avoir monsieur Lacour ? Et Jekov, il a raccroché. Nous refons le numéro, s'il vous plaît, une deuxième fois. Elle a cru que c'était une blague. Je vous rappelle mon drame au quotidien. Je ne peux plus me présenter maintenant quand j'appelle, notamment des restaurants. Oui, allô, le restaurant. Oui, bonjour, c'est Julien Courbet. Foutez-nous la paix, on a rendu l'argent. Je voulais juste dîner, madame. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'essaie d'aider un auditeur qui a un petit souci. Est-ce que vous pourriez me passer Dominique Lacour? Elle doit être en réunion. Bon. Je peux prendre le numéro du dossier? Alors, le numéro du dossier, Sarah, pouvez-vous donner le numéro du dossier à cette dame? Merci, madame. Là, on bascule de l'antenne hors antenne et puis on avance ensemble. Comme ça, ça m'évite de tout raconter à cette dame, surtout que c'est pas, je pense, la société de recouvrement, c'est juste pour leur expliquer. Mais Fabien, faites-la cette lettre, hein, dès cet après-midi. Ils n'ont rien à vous demander. Vous avez un jugement? Non. Alors, et encore, s'il y avait un jugement, il y a un huissier qui viendrait. Ça ne sert à rien. C'est de l'intimidation. Mais j'ai déjà fait un courrier. À qui? La société de recouvrement. À la société de recouvrement. Et ils continuent quand même. Orange. Alors, justement, oui, on va leur dire de ne pas continuer. Donc, vous continuez, Sarah. On appelle Orange, s'il vous plaît, en parallèle. Oui. Mon cher Hervé, donc il y a un interlocuteur au service client. Et on va essayer de l'avoir. C'est grave, hein, parce qu'on l'a mis mauvais payeur quand même. Et ça, c'est dur. Parce que si c'est chez eux, imaginez qu'on a imité sa signature, il se retrouve, lui, perdant sur toute la ligne. Anne-Yvonne Rebiolio, Orange Recouvrant, bonjour. Oui, bonjour madame. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Je vous appelle, j'essaie d'aider un monsieur qui serait peut-être victime d'une fausse signature de contrat chez vous et qui en plus maintenant se retrouve dans un fichier mauvais payeur, etc. Et son dossier est un peu bloqué et il faudrait qu'on avance. Est-ce que je peux avoir son numéro de compte client? Je vous donne tout ça en antenne, bien sûr, madame. C'est très gentil, ouais, à vous de me parler. Hervé, vous le prenez? Voilà, on a lancé les hameçons, on va remonter après le moulinet, mais là il faut que les gens soit au courant. Quelque chose à rajouter, Sylvie? Non, rien, c'est très drôle l'image. Le moulinet? Ah ben, c'est comme ça qu'on pêche. Oui, mais attends, Pélono. Un autre élément, et pas des moindres, qui pèse en faveur de l'imitation de signature, c'est qu'il n'y a pas le cachet de la société non plus. Or, Fabien nous explique que lorsqu'il est, il est le seul à détenir la signature de cette société, chaque fois, il prend son tampon et il le marque, effectivement, ouais, pour prouver qu'on ne signe pas comme ça. C'est très surprenant, parce qu'en général, ils exigent le cachet. Ben, moi, j'espère que la compagnie comprendra qu'à 400 euros, il vaut peut-être mieux qu'elle le rembourse, plutôt qu'une belle enquête où l'on découvre que des gens puissent, et ce n'est pas le cas, mais puissent peut-être faire des fausses signatures. Elle est belle, cette enquête, on la retrouve dans une seconde après la pause que nous marquons. Quelle que soit l'aberration, vous savez, le côté on marche sur la tête, c'est tout de suite au 32-10 dans tous les secteurs. Vite, vite, il ne reste que 13 minutes pour nous joindre et passer dans l'émission, ou bien le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Le 9h30, 11h sur RTL est avec vous en direct. A tout de suite pour la suite. Ah, ça y est, c'est le grand jour. La chasse est enfin ouverte. Mais il me manque l'essentiel, le chasseur français. Ce mois-ci, dans le chasseur français, grand numéro spécial sur l'ouverture de la chasse et une enquête sur les lieux où trouver de l'or en France. Et pour 3,80€ en plus de votre magazine, une lampe torche. Le chasseur français, c'est aussi la pêche, le jardin, la nature. Le chasseur français, la vie grandeur nature. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Hervé est en train d'expliquer, Sarah est en train d'expliquer. Je pense que ça ne sert à rien pour l'instant d'avancer. Ce que je propose, c'est que Sarah, dès que vous avez 2 minutes, j'aurai besoin de vous pour le suivi des cas, car chaque jour, je tiens à vous annoncer tout ce qui s'est passé l'avant-veille, la semaine dernière, les cas en totale évolution. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous fassions ça maintenant, si vous le pouvez, oui, Sarah. Je le peux, Julien. Alors, oui, je le peux, Julien. Oui, je croirai à la messe. Oui, en vérité, je le veux. Amen. Allez, nous y allons. Voici le suivi des cas sur RTL, 11h10. 11h sur RTL, on ne lâche pas les cas qui ne sont pas réglés. C'est le journal radio. Vendredi 2 septembre, Pierre est passé sur l'antenne d'RTL. Je ne sais plus quoi faire, c'est un appel d'urgence. Je suis le maire d'un village où près de 200 habitants n'ont plus de téléphone ni de connexion Internet depuis juin. Les 3 opérateurs sont défaillants et rien n'avance. On rappelle que c'est un maire qui nous appelle en disant plus personne a le téléphone, plus personne n'a internet. Alors ce pylône, il est là, qui va le réparer? Alors on ne sait pas si le pylône il est à SFR, on a appelé SFR, ils nous ont dit le pylône n'est pas à nous. Vous avez appelé tous les opérateurs, Sarah, où en sommes-nous? Est-ce que le maire est en ligne? Le maire est en ligne, mais je peux vous dire, alors parce qu'il va compléter... Je vous écoute. Bonjour Pierre. Voilà. Bonjour Julien. Comment allez-vous Pierre? Ça va très bien, merci. Bon, Sarah. Il va effectivement compléter ce que je vais vous dire. Je tiens à féliciter les trois opérateurs. Orange m'a rappelé encore ce matin pour m'expliquer qu'ils ont mis en place des vérifications RAS. De leur côté, tout va bien, ça ne vient pas effectivement de cet opérateur-là. En revanche, et c'est tip-top, j'ai eu SFR et Bouygues Télécom, et ils m'ont expliqué qu'effectivement, ils ont repéré des problèmes. Donc, ils ont envoyé aujourd'hui même plusieurs techniciens pour vérifier les lignes, et monsieur le maire va clôturer ce que je suis en train de vous raconter. Pierre, on est d'accord, ils sont là pour réparer? Je n'ai pas vérifié, mais je vais aller vérifier. Mais par contre, je peux vous donner une information. Allez-y. Importante, c'est que le pylône concerné appartient bien à SFR, car c'est non. SFR même qui nous verse la redevance. Ah, alors le fait qu'il verse la redevance, est-ce qu'il la redonne eux-mêmes à Orange? Écoutez, on ne va pas rentrer dans ces trucs-là. Ce qui compte, c'est que là, d'ici milieu de semaine, normalement, comme on s'y est engagé, il devrait y avoir le téléphone là-bas. C'est on se refait un point. Résultat. Voilà, on fait un point demain, Pierre. D'accord. Merci Pierre, on se bouge sur vous, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à donner avant de revenir sur quelqu'un? Moi, j'en ai pas de téléphone encore. Je suis sans téléphone, mais en plus, j'ai reçu un message de mon opérateur qui me dit que tout a été, l'incident est clos. Alors, je rappelle, Maître Félonneau, qu'elle nous a expliqué la semaine dernière qu'elle n'avait plus de téléphone. J'ai demandé aux auditeurs, est-ce que vous m'autorisez à régler le problème de Maître Félonneau sur l'antenne, puisque l'antenne appartient aux auditeurs, on fait pas nos cas, c'est les vôtres. Vous nous avez tous dit, mais oui, parce qu'elle en a besoin pour bosser et vous aider. On croyait que c'était réglé. On a eu un interlocuteur d'Orange qui a dit non, ça s'arrange. Et donc, toujours rien aujourd'hui. Et non, malheureusement, malgré un appel charmant, malgré beaucoup de. D'Orange avec un technicien qui m'a appelé. Mais c'est pas monsieur Orange, il s'appelle pas Francis Orange. Quel est son nom? Je sais pas comment il s'appelle. Il faut prendre son nom. Écoutez, gentil monsieur. Et il m'a expliqué que tout allait être s'arranger, mais c'est pas encore le meilleur. Il faut s'énerver un moment. Maître Félonneau, je vais m'en occuper. Ce matin, je n'y ai pas pensé quoi. Ils m'ont appelé, j'en suis désolé, allez. Je m'en occupe cet après-midi. Avant d'attaquer encore des suivis, revenons donc sur le cas de cette signature de ce monsieur qui se retrouve avec un abonnement. Il me dit, je ne l'ai pas signé, j'ai demandé le contrat, on m'en a envoyé un et ce n'est pas ma signature. Hervé Pouchol, s'il vous plaît. Écoutez, nous avançons avec cette dame qui a l'air assez surprise parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on traite ce genre de cas, même à la radio, enfin de mémoire. Et donc cette personne essaye de comprendre ce qui se passe, essaye de retrouver les documents, notamment le contrat, le fameux contrat avec l'autre signature. Et dites bien à cette dame que ce monsieur met toujours un cachet, etc., qu'il n'y a rien apparemment. On est bien d'accord, Fabien? Oui. Fabien! Il est en train de parler avec eux en antenne? Non. Ah, Fabien, vous êtes en ligne? Non, il n'y a aucun cachet. Voilà, il n'y a aucun cachet, donc ce monsieur, et qu'on fasse une confrontation et qu'on aille vite, mais surtout qu'on le sorte. Soit on prouve que c'est lui le coupable, et auquel cas tant pis pour lui, Fabien, vous avez fait un faux, ça sera tant pis pour vous, il serait un peu couillon de votre part de passer sur une antenne pour clamer que vous avez fait un faux, mais si jamais ce n'est pas le cas... Mais surtout pour 500 euros. Mais bien sûr, qu'on le sorte, qu'on le défiche, parce que le pauvre, il est complètement bloqué. Exactement. Concernant la société de recouvrement, la personne a été très claire, elle ne peut pas nous répondre ce matin. Elle renvoie le dossier auprès du siège et normalement j'ai un retour cet après-midi, maximum demain. Ça, on s'en moque. Encore une fois, je l'ai dit, je ne le redirai plus pour aujourd'hui, mais je vous le redirai de temps en temps quand l'humeur viendra. Quand vous recevez un papier d'une entreprise de recouvrement, y compris même d'un huissier, même un huissier peut vous envoyer un courrier en disant « Monsieur, vous n'avez pas payé ». Je vous mets en demeure de payer quelque chose. Voilà, je vous mets en demeure. Vous envoyez tout de suite un courrier avec marqué « Monsieur, merci de m'envoyer une copie du jugement ». Sans jugement, personne ne peut rien faire chez vous. Alerte ! Allez, nous revenons sur le cas de Fabien et son abonnement professionnel. J'ai la dame du service recouvrement qui a une information importante à vous donner. Elle aurait besoin d'une pièce. Bien sûr. Pas n'importe laquelle. De 2 euros. Alors, on va lui demander. Allô, bonjour madame. Bonjour. Je vous écoute madame, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. Comment peut-on avancer sur ce dossier de Fabien? Alors, justement, pour avancer, c'est ce que je disais à votre collaborateur, il nous faudrait la copie, en fait, du contrat qu'il a reçu par, donc, la société de recouvrement. Il nous envoie une copie de ce contrat-là à mon adresse mail professionnelle, que je vais lui donner hors antenne, bien entendu. Bien sûr. Et justement, moi, je m'engage, bien sûr, à ce que ce soit traité. Bon, alors voilà, on va Julien, faire ça. Julien, oui, sur la copie du contrat, oui. Il y a un tampon marqué « Certifié conforme à l'original, Orange et ça, direction contentieux, site de Limoges ». Bon, écoutez, donc, madame. Ils l'ont, la copie du... Fabien, ils l'ont, mais là, si vous passez par nous, c'est pour que ça aille plus vite. Là, on a une interlocutrice qui va s'occuper personnellement de ce dossier. Madame, il se pourrait fort que ça ne soit pas lui qui est signé, que ça soit quelqu'un d'autre, donc c'est quand même assez grave. Essayons d'aller vite. Si vous pouvez cet après-midi vous occuper de ça, madame, comme ça on se parle demain, après-demain, et il vous envoie tout, lui. Oui, bien entendu. Allez, on fait ça. Hein, là, il est 10h55, il reste 4 minutes d'émission. Fabien, je sais que vous avez tout envoyé, mais quand vous passez par nous, c'est justement parce que vous avez tout envoyé qu'il ne se passe rien. Là, cet après-midi, c'est traité, donc Sarah nous en parle demain, après-demain. Fabien, okay, nous allons faire le point info, si vous le voulez bien. Il s'est passé énormément de choses dans l'émission. Ça a bien bougé, c'est le direct. Le 3210, c'est à vous. Hein. Demain matin, on est en direct, alors allez-y. Ou bien le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Tout a commencé avec l'histoire de déménagement. De Nathalie. J'ai loué un camion pour mon déménagement et j'ai vécu l'enfer. Il est tombé en panne, on m'a fait attendre sur le bord de la route, proposé de faire 45 km pour récupérer un camion bien trop petit et pas adapté. Depuis, le loueur de ce camion continue de se moquer de moi. Hervé Pouchol, du côté de chez Sixte, normalement, ça devrait se régler dans l'après-midi. On espère une bonne nouvelle avec Sarah d'ici la fin de la semaine. Allez, d'ici 48 heures, on va leur laisser 48 heures, mais je pense que c'est bien parti. Le cas 2 était un cas express. Il a téléphoné à 9h30, il s'est retrouvé quelques minutes après sur l'antenne d'RTL, notre courtier Dominique, qui nous dit « J'ai payé 3000 euros pour avoir des rendez-vous pour ma société et au bout du compte, j'ai pas de rendez-vous. » Nous avons appelé et là, on nous a dit « Bon, ben, qu'il fasse réclamation, on va traiter la réclamation. Mais attention, on va se débrouiller, mais ça sera peut-être pas des rendez-vous. En fait, ça sera que des contacts. » Et lui dit « Attendez, des contacts, ils m'en ont déjà donné. » Alors, il n'y a pas marqué contact dans le contrat, mais en plus, ils ne correspondent pas à ce que j'ai demandé. Moi, j'ai payé pour plus de 55 ans dans tel département, il n'y a rien de tout ça. Alors, on s'est dit « Ok, on va pas être plus royaliste que le roi. » Tous les deux jours, dans deux jours, on va faire la liste de ce qu'on va lui envoyer. On va bien voir si la société est sérieuse ou si elle est en train de le trimballer parce qu'il ne faut pas faire d'affirmation. On va le savoir clairement. Alors j'ai proposé deux solutions à cette gérante de cette société. Soit elle respecte le contrat, soit elle rembourse. Ben, elle m'a dit, moi, il n'y a aucun problème, vous m'appelez mercredi, ça il marche. Aura trois rendez-vous. Ah, trois. Il a payé pour 100, mais il n'a pas été dit que les trois premiers. Les trois premiers. On verra avec direct rendez-vous à Marseille ou Goucol à Perpignan. Troisième cas à l'instant, c'est Fabien. J'ai quitté un opérateur chez qui j'avais un compte pro sur 12 mois. Voilà qu'il me réclame près de 500 euros me présentant un contrat que j'aurais signé sur 24 mois. Sauf que ce n'est pas ma signature et que je suis le seul habilité en tant que gérant à signer un contrat. Alors, y a-t-il eu faux ou pas ? L'enquête est en cours. Nos amis d'Orange ont pris le dossier à bras-le-corps. L'entreprise de recouvrement est au courant aussi. Là, c'est pareil, normalement, du nouveau camp Hervé Pouchol. Bah écoutez, elle vient de donner à l'instant même son adresse pro-perso à notre ami Fabien. Je pense que ça sent bon. Maintenant, il va falloir qu'il envoie la copie du contrat qu'il a reçu par la société de recouvrement. On aura du nouveau d'ici 48 heures également. Je donne tout de suite la parole parce qu'il est en place, il est beau et quand il est beau et en place, il faut lui donner la parole. Stéphane Bern, m'entendez-vous, mon petit ? Non, il n'est pas connecté, mais je le vois là. S'il met son casque, vous allez voir, on va le prendre juste l'avant. Ça va mon Stéphane ? Non, on n'a pas connecté le studio. Faut me connecter le studio, il y a son ami Berléan qui est là. Je le vois, il ne peut pas me parler. Non, il ne peut pas, voilà. Il est là, vous m'entendez, je vous parlais. Je vous dis bonjour Julien, tout va bien. J'ai François Berléan et Sébastien Castro qui sont mes invités. On va parler d'une pièce irrésistible. Voilà. Ça a l'air. Moi et François B. Momo était déjà extraordinaire, mais sens que ça va être encore mieux. On a franchi une étape. Eh bien, tant mieux. On écoute ça, bonne matinée. Ouais. Merci. À tout de suite. Baron de l'Estaque. Oh, avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah, pardi, choisissez-moi. Baron de l'Estaque, pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin ? C'est Baron de l'Estaque. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estaque, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le mois Vous êtes au courant ? Le mois Carrefour ouvre ses portes dès demain, avec des promos renversantes. Jusqu'à 70% de remise fidélité sur la carte Carrefour jusqu'au 12 septembre. Sur les gourdes Andros et encore plein d'autres produits de marque. Waouh, jusqu'à 70%. On va s'en prendre plein les yeux. Alors attention au départ, parce que le mois Carrefour, ça va démarrer très fort. Valable sur les gourdes pommes nature Andros par 18. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. La meilleure avocate pénaliste de France était la maître Novakovic. Merci Sylvie. Merci Julien, va à tous. Merci maître Félodo. Merci à vous Julien. Merci Hervé, toutes les équipes d'Alain Hazard. C'est RTL. Dès demain, vivez une expérience renversante avec le Moi Carrefour. Embarquement immédiat, sensation forte garantie, le Moi Carrefour démarre à toute allure avec des promos sur des milliers de produits de marque et plein de surprises jusqu'au 3 octobre. Attention au départ. À la seconde près, 11h. La meilleure information sur RTL avec Marie Guerrier que l'on retrouve. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le trafic SNCF est perturbé ce matin sur la ligne TGV Paris-Bordeaux dans les deux sens. Un corps a été découvert près des voies à Grand Pont-Preuilly à la sortie de Poitiers dans la Vienne. Alors pour permettre l'intervention de la police, la circulation a été totalement interrompue près de 3 heures. Désormais, le trafic a repris mais avec des trains qui ont donc beaucoup de retard, il va falloir un peu de temps pour un retour à la normale. Sur la route, des problèmes ce matin en Normandie. L'autoroute A13 est coupé, un poids lourd s'est couché sur la chaussée à hauteur de Rouen en direction de Paris. Vous devez quitter l'autoroute à la sortie 23 en direction de Rouen-Ouest. Et puis sur l'autoroute A16 autour de Calais, de gros bouchons ce matin. Les agriculteurs et les transporteurs routiers organisent le blocage. Deux convois se déplacent en opération escargot depuis Dunkerque et Boulogne-sur-Mer en direction de Calais. C'est une opération pour réclamer le démantèlement du camp de migrants de Calais, la jungle qui est peuplée plus que jamais. Il y a des incidents à répétition sur la rocade qui mène au port de Calais lorsque les migrants tentent de monter dans les camions en partance pour la Grande-Bretagne. Les routiers demandent des mesures d'urgence pour pouvoir rouler en toute sécurité. Franck Hanson, sur place dans cette manifestation pour RTL, nous indique que l'un des manifestants a écrit par exemple sur son t-shirt « Calais occupé, Calais attaqué, Calais dévisagé, Calaisien traumatisé ». Dans l'actualité ce matin également, il y a l'affaire Big Malion qui concerne les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012. Le procureur demande que tous les mises en examen dans cette affaire, dont Nicolas Sarkozy, soient jugées devant un tribunal correctionnel. C'est maintenant au juge d'instruction de décider s'il y aura ou non un procès. Un homme de 80 ans est mort à Marseille après avoir été agressé très violemment. Il s'est fait voler sa chaîne en or qu'il avait autour du cou. Il y avait, semble-t-il, trois agresseurs. Ça s'est passé dans une ruelle du 11e arrondissement, un quartier résidentiel de Marseille. La victime a été laissée inconsciente par les voleurs et n'a pas survécu à la gravité de ses blessures. Le gouvernement a décidé de créer une nouvelle décoration, la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Cette médaille des victimes est une fleur à 5 pétales avec des feuilles d'olivier. Elle est destinée à être déposée sur les cercueils des victimes des attentats ou bien remise à leur famille. RTL vous pose la question aujourd'hui. L'État doit-il attribuer une médaille nationale aux victimes du terrorisme? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en discuter, en débattre dans RTL Midi avec Christelle Rebière et Vincent Parisot en appelant le 3210. La météo du jour sur les deux tiers nord du pays, c'est gris. Alors, cet après-midi, il n'y aura quasiment plus d'averses. On pourra même espérer le retour de quelques éclaircies sur la Bretagne et dans le nord-est. Sur le tiers sud du pays, de l'Aquitaine aux Alpes, alors là, il fait beau, avec du soleil. Mais attention, le Mistral souffle fort près de la Méditerranée et avec la chaleur et la sécheresse, le risque d'incendie est très important. Alors, il fait donc frais au nord et chaud au sud. Vous avez par exemple, cet après-midi, prévu 19 degrés à Abbeville, 20 à Besançon, 22 à Dijon, comme à Paris, 24 à Orléans, il fera 26 à Nantes, 27 à Limoges. On attend 30 degrés à Bordeaux et Toulouse, 32 à Marseille et jusqu'à 34 à Montpellier. Les courses à Cran en Mayenne et le pronostic de Bernard Glace pour le quintet de cet après-midi. Il vous conseille de jouer le 6, le 14, le 5, l'As, le 16, le 12, le 8 et le 11. La dernière minute de Bernard, c'est le 5, Zari Yano. Il est 11h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL en ce lundi matin, bien sûr, avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, Marie Guerrier, qu'on retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais nous nous plongeons dans la bonne heure, avec Délice évidemment, et deux invités, et François Berléand et Sébastien Castro. 11h, 12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Eh oui, François Berléand, Sébastien Castro, je vais vous présenter de façon circonstanciée dans un instant parce que vous êtes au théâtre Montparnasse dans quelques jours pour une nouvelle pièce et ça nous plaît beaucoup déjà. Alors qu'on l'a pas encore vu, mais l'affiche est alléchante. Non mais c'est vrai, ça donne envie. On l'a lu. Ça donne envie. Voilà. Elle est drôle, elle est très drôle. À la une, comme tous les lundis, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Vous reviendrez notamment sur l'arnaque au faux Kenji Girac. Ah oui, il faut se méfier du faux Kenji Girac. Comment ça? Ça marche très fort sur Internet. L'arnaque au faux. Oui. Il n'y a pas encore d'arnaque au faux Stéphane Bern, mais il y a celle au faux Kenji Girac. Si, il y a des sosies de Stéphane Bern, c'est une vraie arnaque. Ça, c'est vrai. Juste après le journal de midi, il y aura le feuilleton de Régis Maillot.